Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Retro Nouveau. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 7e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, Dom? Ça va bien, toi? Mais hein, man. Jeff, ça va? Ben oui, je pensais pas qu'on s'en irait jusqu'à 7. Hey, non. Déjà rendu, hey. Colin. Ça a été tough de se plugger à soir. On pensait qu'on allait être live un petit peu plus On va être là à 7h. Et tu vois une technique de filage, là. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que là, on a un nouveau setup. Classique. Comme vous pouvez voir, on est chez Papa Cassette maintenant, ouais. Dorénavant. Headquarters. Yes, les le headquarters. Quelqu'un dans le chat dit chez Papa Cassette Lounge. Oui. Exact, mon gars. Tout se fait ici maintenant. Ouais. Ouais. Centralisé. Tout. Merci, bonsoir. Ouais, t'arrives ici, t'en ressors plus. Moi, man, je travaille ici en plus. Je suis tellement ici. Hier soir à 11h, j'étais ici pour prendre des photos de cassettes. Ouais, j'ai fait une mise à jour aujourd'hui, justement. Là. J'ai mis bien des cassettes neuves sur le site de Papa Cassette. Vous irez voir ça. Puis, Bruno. T'as du beau stock. Ouais, vraiment. Puis ça vend vite. Hein. Donc, dépêchez-vous. Là, aujourd'hui, j'ai vendu bien des affaires déjà en une journée. Faut se grouiller. Faut se grouiller. Faut se grouiller. La demande est là. La demande est là pour ça, puis ça va vite. Mais toi, Bruno, oui. On voulait la ramener sur l'été, qui est oui. slow. Ben oui, l'été, c'est slow, parce qu'en fait, il n'y a pas de sortie autant que ça, autant que le reste de l'année en jeu. Ouais. Il n'y a presque rien. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a personne sur Internet. Ouais, ben moi, je suis en vacances. Twitter, j'arrive de vacances, là, dans le fond. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là. Pas grand-chose. Je ne sais pas passé grand-chose. Là, je suis un peu mélangé, même dans dans notre horaire. Là. Il n'y a pas d'horaire pour l'été. On le fait quand on peut. Là. C'est ouais, ça. C'est hein? ça. On s'était dit qu'on n'allait jamais déroger, ouais. sauf peut-être l'été. Mais là, l'été, c'est compliqué. Moi, je suis en vacances. Ouais. Là, on fait ça à soir. Exact. Toi, la semaine prochaine, tu tombes en vacances. Ouais, je tombe en vacances. Mais je vais être. Pour 3 semaines? Ouais, pour 3 semaines, mais je vais être libre. Quand même un peu. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que je vais pouvoir faire un autre épisode pareil. Puis toi, Jeff, quand Bruno vient, toi, tu pars deux semaines. Je pars une semaine en septembre, début septembre. Après ça, je suis en vacances, mais je suis là quand même. OK. Bon. Fait que, en tout cas, c'est ça qui va nous arriver. Donc, on peut Jeff pas prédire. Part, ouais, c'est ça. Puis Jeff part une semaine en vacances. Fait que prévoyez cette semaine-là qu'il n'y aura plus d'Internet. Exact. Non, mais je m'en fous. Tu sais, le bug de l'an 2000. Mais ben là, c'est fois 2000. Je m'en fous. Achetez du pain, achetez du papier de toilette. Ouais. Faites-vous construire un abri nucléaire. Je m'en vais faire de la recherche et développement à Disney pour les arcades. Là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est tu vas à Disney. Ouais. Ah, ça va être génial. Ça, tu prendras des photos. Je vais amener ma GoPro. Je vais faire un petit topo pendant que je suis là. Topo. Je mettrai ça sur le blog de Rétro Nouveau, quelque chose en revenant. Génial. Je vous en parlerai en revenant de ça. Ben oui, ça serait très cool. Le paradis des arcades dans ce coin-là. Ouais. Peut-être hein. aussi de faire buster ta caméra. Ah, peut-être par Mickey Mouse en agent. Il va faire des attouchements par Donald Duck, ça se peut. Là. Tout est possible à Disney. Le monde merveilleux de Disney. Ouais, ouais, c'est ça, c'est magique là-bas. Il peut arriver plein d'affaires. On sait pas. Ouais, d'ailleurs, parlant de Disney, allez voir la vidéo People Falling at Disney. C'est drôle, hein, Chris? Ça sent drôle, en tout cas. C'est des mascottes, Ah, it's such a happy world! Puis, il y en a une qui sac le camp à terre. Une qui perd sa face. Ouais. Une qui perd sa face. C'est tellement mourant. M'en est un Mike Kazowski au début, le bonhomme vert dans Monster Inc. Puis là, il est là. Puis là, il y a un gars qui le voit. Il est super content. Fait qu'il se tourne, mais il tombe la face à terre. Mais il n'y a pas de bras après ce patente-là. Puis il est juste ses deux jambes. Fait qu'il peut pas se relever. Pauvre nain. Il est même à terre. Ouais, c'est ça. C'est un pauvre nain dedans. Ça me fait penser aux vidéos que tu avais postées une fois. C'est une vidéo sur une boulangerie française. Il y a une porte en vitre qui est ouverte. Là, il filme le devant de la boulangerie. Puis là, il y a un chat qui passe, mais à 100 km/h. Il sait pas qu'il y a une porte parce qu'il est en vitre. Il fonce dans la porte. Ça cogne dans la vitre. J'ai ri toute la journée. Là. C'est drôle. J'ai ri voir ça. Je sais pas c'est quoi le titre, là, genre chat qui fonce dans une vitre. Boulangerie. Ça serait peut-être chat boulangerie. Ouais. C'est vraiment drôle. C'était vraiment drôle. C'est hilarant. En fait, pour revenir au show, ouais. C'est ça. L'été, c'est vraiment lent de toute façon. Les podcasts, tout ça. Puis il y a personne sur Internet. Il y a personne qui est là, en fait, de toute façon. Exact. Je pense qu'il t'sais, même si on fait pas de show, je pense que les gens sont aussi un petit peu plus au ralenti, prennent ça relax, ouais, vont sur le bord d'un lac, amènent leur console portable, puis ils n'ont pas nécessairement le goût d'écouter un podcast. Fait que c'est pas trop grave, prenez ça relax. Puis ceux-là qui en manquent, je vous invite encore une fois à aller visiter nos archives si vous êtes à jour puis qu'on n'est pas là puis que vous savez plus quoi écouter. Oui. 39 podcasts dans nos archives et une tonne de vidéos aussi, dont nos galas, nos trucs d'Halloween qui sont quand même pas mal drôles. Spécial Noël, tout le kit. Donc, gâtez-vous là-dedans. Là. On n'a pas fait ça pour rien. Non. Il y en a. Non, c'est parce qu'il y a aussi, depuis le début du show, on essaie de faire un show qui est intemporel. Fait que tu sais, tu peux écouter à peu près n'importe quel. Ça s'écoute encore parce qu'on fait pas vraiment dans la nouvelle, à part quand le 3 arrive et ces trucs-là. Encore là, on parle essentiellement de jeux. Fait que... Même si les jeux sont sortis il y a 6 mois, c'est pas grave. Les jeux encore jouables. Là, c'est exactement. Exact. Voilà. Vanquish, tout le temps bon. Tout le temps bon, ça, Vanquish. Oui. Vanquish. Puis, c'est ça. Je voulais faire un rappel pour la manette. Qu'est-ce qui se passe avec la ça? La manette va bien. Ouais. Bien bonne manette. Ouais, la bien bonne manette. Mais c'est ça, allez voir ça. Lamanette.bigcartel.com, des t-shirts sur des personnages de jeux vidéo. Pis parfait là, pour mettre dans le fond de votre cage à perruche. Oui. C'est très long. Doux. Très doux, les pattes de ta perruche. J'aime ça dire qu'on met des affaires dans le fond de cage de perruche. C'est comme tellement dénigré la c'est épouvantable. Ça, c'est quoi? Ah, ton autobiographie. Parfait pour mettre dans le fond de ma cage de perruche. En tout cas, il y a des nouveaux modèles. Ouais. Il y a Miss Pac-Man et Pac-Man qui sont sortis récemment. Parfait pour elle et lui. Oui, parfait pour elle et lui. Puis d'ailleurs, il y a une promotion présentement. Si vous achetez les deux chandails, un pour elle, un pour lui, vous mettez le code WAKAWAKA en un mot, W-A-K-A, W-A-K-A. Okay. Et puis, vous allez avoir un rabais. Les deux vont vous revenir à 50$ au lieu de 56$, plus frais de livraison. Fait que c'est ça. C'est puis cool, ça. Aussi, oubliez pas, si jamais vous êtes des amis de Papa Cassette, vous pouvez toujours faire votre commande et pas payer les frais de livraison. Exact. Je vais juste vous les amener ici chez Papa Cassette. Venez me voir, puis moi j'ai ça sur place au 2086 Frontenac, à côté du métro Frontenac. Ouais. Puis that's it. On a même des chandails rétro nouveaux ici. Quarters, hein, exact. On en a plein. Chandails rétro nouveaux. C'est ainsi qu'on les garde. Bruno, il y a une question pour ton Miss Pac-Man. Renaud dans la chatroom veut savoir s'il va être disponible en rose pour les gars. Oh, ça, j'avoue qu'on n'avait pas prévu ça. Nous autres, on l'a fait vraiment en noir pour les gars parce que je me disais que les gars allaient se plaindre que le t-shirt est rose. Fait que non, pour l'instant, en fait, Miss Pac-Man et Pac-Man pour les gars, c'est en noir. Pour les filles, rose pour Miss Pac-Man et noir pour Pac-Man, c'est les seules couleurs présentement. Puis c'est ça, on m'a demandé aussi des fois, tu sais, pourquoi il n'y a pas plus de choix de couleurs ou... Ça fait quand même beaucoup de stock à gérer, cette affaire-là. Là, tu sais, là, je suis rendu à 9 designs, à 2 couleurs par design, à 2 sexes par design, à peu près 6 grandeurs par design. Fait que là, on parle d'une centaine de t-shirts à gérer. Fait que ça fait pas mal de stock quand même. D'ailleurs, je voudrais inviter les gens aussi à communiquer avec Bruno pour lui faire du press parce que moi, j'ai eu une excellente idée pour un prochain design, OK? Je veux que Bruno fasse un mélange de Pokémon puis de Gubla Dragon. Fait que là, je voulais que Billy Chou puis Bimi Chou. Bimi parce que c'est un bug dans... c'est une mauvaise traduction là, pour ceux qui connaissent pas. Donc, c'est très drôle. Alors, moi, j'aimerais ça. 2 Pikachu, tu sais, mais Billy et Jimmy Lee. Fais-nous un mélange de ça. Puis ouais, si genre, on va dire 50 personnes, c'est beaucoup. Là. Ouais, si 50 personnes, ben mettons 30. Ouais. 30 personnes t'écrivent pour te dire fais Bimi, Billy, Bimichou, ben il faut que tu le fasses. OK, je vais essayer ça. Puis je t'en achète 10. Malade. Non, je lâche ça parce que je trouvais mon idée drôle, très drôle. Non, ton idée est excellente. Oui. Les Pokémon, ça pogne, man. Les Pokémon, je sais que ça pogne, c'est ça. Il y a vraiment un marché pour ça. Là, mes kids, ils arrêtent pas d'écouter Pokémon. Fait que mes yeux viennent de s'ouvrir à l'idée que les Pokémon, ça existe. Là, j'étais vraiment... Vu que je jouais pas au jeu, en fait, j'étais comme « Pokémon », mais... Quand j'étais au cégep, je les écoutais un peu, les épisodes à TV. J'ai même loué le film avec Mewtwo. Oui. Je peux pas te dire c'est lequel, là. C'est un des premiers films. Là. Puis j'avais bien aimé ça. Oui. Quand même, là. C'était cool. Non, c'est cool. Moi, je suis en train d'écouter... Hey, what's up, Pokémon Ash. Black and White. My name is Ash! C'était dans Robot Chicken. C'est drôle. Mais ouais, non, c'est bien bon. Puis je pense que... Coudon, je vais essayer de m'y mettre. Je vais essayer de jouer au dernier Pokémon. Là. Ce qui est plate, c'est qu'il n'y a pas de démo de ça. Mais je vais tenter ma chance avec ça. Tu me le diras si t'aimes ça. C'est un turn-based RPG, ce qui est vraiment pas ma tasse de thé, là. Ah, mais comme je bois pas de thé... J'allais quelque part. Il est où? Il est là. Ah, je préparais mes fiches, là. C'est ça. Tu pensais au bol de Ringolos qu'on t'a fait à côté. Bon, hey, moi, je veux parler... Ça, c'était dédié à moi-même. Ouais, que c'est ça, pour revenir sur les arcades, on parlait d'arcades tantôt. Ben ouais. J'arrive de vacances, je suis allé à Old Orchard Beach avec ma petite famille. Monsieur. Puis je suis allé, bien sûr, à la seule arcade qu'il reste là-bas, la seule des trois. Il y en avait trois quand j'étais jeune. Ouais. Puis c'est la plus grosse, dans le fond, celle du Palace Playland. Ouais. Mais ça, c'est une arcade avec beaucoup, beaucoup de machines à coupons là-dedans. Puis ça, c'est une machine à coupons, je veux dire, c'est des genres de jeux d'adresse qui te donnent des coupons. Puis avec les coupons, mettons que t'as 4000 coupons, là, ben tu peux aller au stand là, des récompenses puis te choisir genre une gugus à une pièce au Dolorama. Puis le monde, il vire fou avec ça. Là. Le monde, il y a des coupons, puis là, ils mettent ouais, il y a des rouleaux de coupons. Ils en ont plein, c'est... les mains, plein. Mais tu peux pas savoir à quel point c'est de la calisse de marde, les récompenses. Là. C'est de la marde. Ben, quand j'étais petit, j'avais l'impression que c'était merveilleux, mais ben, là, moi t'es aussi, en train de briser mes rêves. Non, là, c'est affreux. Là. C'est un Dolorama, là, dans le fond, là, puis tu choisis là-dedans. Là. C'est dégueulasse. L'année passée, il y a 2 ans, on était allé puis on avait pogné une machine qui buguait. Elle payait tout le temps, full coupon, même si, whatever ce qui arrivait. Fait que là, on s'est ramassé, man. Tu sais, il aurait fallu qu'on mette quasiment 50$ là-dedans, 100$. Fait que là, on a comme eu des coupons en malade, tu sais, pour 10$. Fait que là, on s'est pogné un espèce de gros serpent, là, tu sais. Mais même à ça, c'était pas grand-chose, là, tu sais. Ouais, le serpent devait avoir 20$ maximum. Ben, gros max, même pas 10$, tu sais. Fait que ça, c'est de la merde parce qu'il y a 3/4 des affaires là-dedans. C'est des affaires à coupons, mais bon. Il y avait encore l'arcade des Ninja Turtles. Oui. Là, elle est rendue à 4 joueurs. Là, elle est rendue dans le coin en arrière, sur le bord de la porte. Puis moi, je la veux, man. Je la veux ici. Fait que là, j'ai demandé à un gars là-bas pour parler au gérant. Fait que là, j'ai dit au gérant que je voulais acheter la machine. Fait que j'ai laissé mes coordonnées, puis toute la patente. Puis lui, il est supposé avoir transmis ça au propriétaire. Puis si ça marche, il va communiquer avec moi. Ça fait une semaine et il a toujours pas communiqué avec moi. C'est ça, il doit vérifier si ça pogne quand même. C'est une machine qui marche. Ben, là-bas, c'est vieux. Quand j'étais petit, j'allais là, j'avais 8 ans, elle était là, la machine. Puis elle était encore là. Ces machines-là, il n'y en a plus là-bas. Là. C'est juste des machines récentes ou des gogos à coupons, tu sais. Fait que, en tout cas, ça serait bien le fun. Faudrait que je me loue un truck que j'aille à Old Orchard. Ça coûterait certainement. Je sais pas, ça vaut cher, là, une Turtles à 4 joueurs. C'est quand même assez cher. Puis là-bas, il y a 2 sticks qui marchent mal. Tu sais, elle est plus entretenue. Là, elle est même pas au niveau. Là, tu sais, ah, shit. C'est triste, là. Ouais. Fait que c'est comme une perle, un diamant. A diamond in the rough. Ouais. Fait que, en tout cas, on fait un road trip jusqu'à Old Orchard. Ben, on va faire un épisode spécial. S'il veut, là, c'est ça qu'il va falloir que je fasse là, avec Martin. On va louer un truck. On va faire un aller-retour. Et j'en ai vu 2 autres bornes d'arcade dans un marché aux puces pas loin. Une astéroïde. Puis une Tokyo, qui est un genre de schmop de Romstar que je connaissais pas, des vieilles affaires, mais c'est vraiment cool. Fait que j'ai fait du game chasing là-bas aussi, puis j'ai rien trouvé, là. J'ai fait plein de marchés aux puces, des brocantes, des pawn shops. Okay. J'ai rien trouvé. Il y avait juste des jeux de sport. Fait que partout, man, c'est comme ça la vie. Tout le monde chasse les jeux. Mais pour revenir aux arcades, j'ai joué aussi à Aliens Armageddon, un jeu de gun avec une grosse mitraillette. C'est cool, ça. Ben, t'as-tu déjà joué, pas? Ouais, j'ai déjà joué. Mais attends, non, je le mélange avec The Gun. Ouais, non, moi, pas c'est Alien 3 de Gun. Non, moi, ça est rendu trop vieux là-bas, c'est juste des nouvelles machines. Ok, non, j'ai jamais joué à ça. Fait que celle-là était pas mal cool. Je l'ai bien aimé. Puis il y a une nouvelle machine de Batman aussi. Mais c'est comme un jeu de char. Ouais, j'ai vu ton kid jouer à ça. C'est un jeu de Batmobile. Ouais, c'est une pièce de la game, man, puis tu meurs vite en temps. Ça va coûter cher jouer à ça, là, c'est épouvantable. Mais c'est cool parce qu'au début, excusez, tu chauffes la Batmobile, puis t'as le droit de choisir entre genre toutes les Batmobiles qui existent. Ah, ouais. Même des épisodes de 1960. Okay. Moi, j'ai pris celle de Batman Returns parce que c'est que j'aime. Ouais, puis, tu peux prendre la dernière là, du okay. dernier Batman, tu sais. Fait que ça, c'est cool. C'est cool. Puis, c'est un jeu de char. Donc, tu conduis, mais tu es tout le temps en train de tirer puis de chasser un objectif, là, dans le fond. Okay. Puis, il faut que tu évites des obstacles. Là. Fait que ouais, ça brasse, ouais. ça va vite, puis c'est fou. Mais ça coûte cher. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Là. Sérieux, ça va être une belle machine, ça. Ça brassait-tu? Ça brassait. Tout shakait, puis le son était dans le tapis. Là. Il y avait une arcade des Transformers, mais elle était buggée, elle marchait okay. pas. Là. Ça avait l'air de ressembler à c'était un shooter. OK. Un jeu de pirate, là. Attends. Le jeu que t'avais joué, que t'avais ramené, c'était Cross... Skull and Crossbones. J'ai juste Skull and Crossbones dans la tête. Aussi, c'est pas ça, ça, pas ça. En tout cas, un jeu de tirage de pirates, c'était la même affaire, mais j'ai pas pu l'essayer. Okay. Fait que je me suis fait aussi encore ma fameuse petite game de Galaga. Ouais. Parce que la machine était encore là. Puis j'ai fait pas mal le tour avec ça. Puis il y avait un stand de tir, comme j'ai montré à Carl Robert, oui. Avec un pianiste dans le coin, puis toutes sortes d'affaires qu'il faut que tu tires, là, ça les actionne. Puis là, il y a du monde qui se demandait s'il y avait encore ça à la ronde, là, ça se peut, je sais pas, ça fait super longtemps, je suis pas allé. Mais c'est vintage au max, ben oui. ça, au moins ils l'avaient encore. Fait que, je me demandais, ils ont-tu encore la Afterburner? Ah oh, non. Mais toi, t'allais à Wells quand t'étais. Oui, mais j'allais aussi à Old Orchard. Ah. Puis à Old Orchard, il y avait un Afterburner. Non, il n'y a rien de rétro à part la Turtles, puis la Galaga et Miss Pac-Man, deux en un. Parce que ce que j'ai lu sur Internet, c'est que cette machine-là est de plus en plus rare parce qu'elle est très difficile à entretenir. Ouais. L'espèce de gros rond, là, l'espèce de cylindre. Hey, c'est gigantesque. C'est écœurant, cette affaire-là, mais justement, j'imagine toute la mécanique là-dedans. C'est ça, aujourd'hui, pour une en petite plus. Game de jet. Non, il n'y avait rien de ça, man. Okay. Fait qu'overall, côté jeu vidéo, ça a été un petit peu décevant. Un petit peu déprimant, ouais. Un petit peu, ouais. J'ai ramené un jeu d'intellivision, une couple de. Tu sais, vous irez voir, là, j'ai tout posté ça, mais rien de magique. Mais j'ai décroché, puis ça a fait du bien. Ouais, c'est ça. Au moins, t'étais sur le bord de la plage quand même. Hein? Exact. Tu sais. Fait que là, on a joué les deux. On change de sujet. Ben oui. On a joué les deux à Shovel Knight. Yes. Moi, toi, tu l'as-tu eu le temps de le finir? Je suis presque à la fin. Je l'ai pas fini, mais je sais que je suis proche de la fin. OK. Puis, ce jeu-là, c'est drôle parce que j'ai commencé avec une opinion, puis j'ai fini avec une autre complètement. OK. J'ai commencé le jeu, puis je vais comme, ouais, c'est un peu, je sais pas, je viens de payer 17$ pour ça. C'est un peu générique. C'est comme un... Ouais, il est cher. C'est comme Megaman mélangé avec... Il y a comme des passes que ça me faisait penser un peu à... C'était quoi donc que je me disais? En tout cas, il y a Megaman, mais il y a plein d'inspiration en fait là-dedans. Ah ouais. Mais au début, je voyais juste ça, on dirait. Puis j'étais comme, ouais. Hein? Puis là, passer le premier boss. Puis moi, c'est les boss qui m'ont accroché. Ouais, les boss. Ils sont super originaux. Dans leur pattern. Oui. Là, c'est ça qui est hot. C'est intelligent de la façon que c'est fait. Puis c'est vraiment le fun. J'ai trouvé qu'il y avait une belle variété des tableaux. Plus t'avances, oui. plus c'est complexe aussi, en fait. Au début, je trouvais qu'il était très facile, le jeu. Ouais. Puis je trouve que plus ça avance quand même, la difficulté est bien dosée. Exact. Ben, moi, c'est vraiment à la toute fin que j'ai rushé le plus. Là. Le bout que j'ai rushé le plus, c'est le Battle Royale. Ouais. À la fin, il faut que tu te repognes toutes les knights. Ben, pour expliquer au monde, dans le fond, qui n'ont pas joué. Ouais, c'est vrai. C'est comme Mega Man. Ouais. Puis, sauf que tu as une map que tu vois de dessus. Puis tu te promènes sur la map. Fait que tu bats un knight. C'est tous des knights, ça, au lieu d'être des robot masters. C'est tous des chevaliers, mais qui ont un thème différent. Puis, dans le fond, quand t'en bats un, ça t'ouvre. Tu peux aller en choisir entre trois autres, mettons, etc. Puis, à la fin, il faut tout que tu rebattes. Mais, toute la gang, un après l'autre, man. Asti que j'ai rushé. Sérieux. Mais moi, ce que j'aimais aussi, premièrement, la musique est malade. Ouais, t'es 40. Elle est faite par Jake Kaufman. Ouais. Puis c'est fou. Puis la musique des boss, il y en a une différente à chaque boss. Ouais. C'est pas une musique de boss, c'est une musique par boss. Puis celle-là de Plague Knight, man, je trouvais que c'est le pire, là. C'est celui qui est comme un peu la mort là, avec la faux. Colin avec la faux là, que ça fait tout. Ah non, excuse, qu'est-ce que je dis là? Non, c'est pas lui. C'est lui avec un long nez qui tire des bouteilles de la potion partout. Oui. Man, j'ai jamais catché son pattern là. Genre de boss là que je grind là puis que je prends de la potion pour survivre là. Ah, il est tough, mais sa tune est tellement hot là, ça me fait capoter là, sérieux. Mais moi je voulais dire justement ce jeu là, c'est fait par Yacht Club Games. Ouais. Je me demandais c'est quoi ça, c'est des anciens de WayForward. Ah ouais, c'est l'ancien président de WayForward okay. qui est parti avec une partie de l'équipe pour fonder Yacht Club. OK. Puis leur premier jeu, c'est Shovel Knight. Ils vont en faire un autre qui va sortir, je pense, en 2015 ou en 2016. OK. Mais c'est ça, c'est 2016. Eux autres. C'est 2016. Hein, c'est ça? Titre unknown. Donc, on sait pas. Ah, et voilà, c'est ça. Puis Shovel Knight, c'est un Kickstarter qui est parti ça. Ah. Oui, oui, oui. Bien oui. D'ailleurs, je l'avais même pas backé. D'ailleurs, il y a un podcast ou une affaire qu'on a dit à un moment donné, puis j'avais dit que j'avais pas backé. Toi, tu m'avais dit que c'est pas grave, parce que ça allait jouer de toute façon. Mais voilà, je l'ai acheté. Mais voilà, tu l'as acheté. Mais dans un sens, t'as fait aussi fait la bonne chose. Part, t'as fait ta part. Si tu l'achètes, tu fais ta part quand même. Là. Exact. Puis mais... aussi, pour en revenir au jeu, des power-ups. Oui. Donc, il y a un village, puis oui. Tu peux aller acheter des trucs pour augmenter ta life. Ta passe-là, justement, est comme Castlevania 2. Tu sais, c'est un peu inspiré de ça. Tu t'en vas dans le village, tu parles au monde. Exact. J'ai remarqué que ça ne te sert pas à grand-chose, finalement, de parler au monde. C'est juste non, drôle. Parler au monde, ça sert disent, absolument fun, à rien pas... du tout. Les seules personnes à qui tu parles, c'est ceux qui te vendent des armures puis ouais. des gogosses. Ça, c'est le fun de pouvoir upgrader de même. Ouais, c'est le remplir fun. Tes potions. Le script est drôle. Oui. Ça parle tout en je sais pas, en vieux chevalier, j'ai ouais, l'impression c'est quand... Vieux, c'est « ye oldie » puis ces affaires-là. Exact, là. Exact. Mais ça... c'est ça, le chevalier, on l'a pas dit, mais en fait, c'est un chevalier avec une pelle. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme l'espèce de technique de pogo qu'il y a dans DuckTales. Ouais, oui, c'est ça aussi une autre inspiration. Oui, ouais, ça, c'est une de ses attaques principales. Sinon, il slash à coups de pelle. C'est ça. Puis t'as des magies aussi ouais. que t'as avec des reliques. Puis les reliques, ouais. ils sont cachés dans des niveaux. Puis c'est ça aussi, il faut que tu trouves des reliques, puis il faut que tu trouves aussi des feuilles de musique pour aller donner ouais. au bard que lui donne l'argent. Fait que t'as des choses à trouver. Là. Ouais. Puis que chaque relique te donne des pouvoirs qui sont très utiles ouais. pour passer à travers le jeu. Puis il y en a certaines qui te permettent comme de faire un dash dans les airs, ouais. fait que d'aller plus loin de cette ouais. façon-là, lancer des balles qui rebondissent. Passer sur des pics. Oui. Ça ouvre là, le jeu beaucoup. Là. Ben moi, c'est ça justement. Au début, je me disais, ben, si c'est comme Mega Man, ça va être tough en crise, puis je vais être game over dans pas long. Mais c'est le fun parce qu'on a des vies limitées là-dedans. Ouais. Puis une affaire que j'ai aimé, c'est la façon de mourir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un peu comme dans Dark Souls, c'est que tu peux aller rechercher ton loot. En fait, tu perds exact. Ton loot, tu perds ce que tu as gagné. Puis là, ça se retrouve dans le tableau, puis ça flotte, puis il faut que tu ailles le rechercher. Exact. T'sais. Ça, l'affaire qui est chiant, c'est que des fois, c'est inaccessible. Si tu ouais. droppes de haut dans un trou, ben tes sacs d'argent flottants, ouais. ils restent dans le bas de l'écran, et tu peux pas aller les chercher. T'sais. En même temps, ça rajoute un challenge, mais moi, ça me faisait chier. Moi, je voulais acheter mes affaires là, ouais. au plus vite. Puis là, je perdais de l'argent en mourant. C'était vraiment tannant. Ben, j'aimais ça qu'il y ait des checkpoints. J'aimais oui, ça qu'il y ait. Ça, c'est cool. Je trouve qu'ils ont réglé des affaires. Ils ont fait des affaires qui se faisaient pas dans le temps. Ouais. Que là, ça se fait. Ah ouais, ah ouais. C'est un jeu NES parfait, ouais. dans le fond. Là. C'est vraiment puis, ça. Je sais pas si t'as essayé aussi les checkpoints, tu peux les casser. Hein? Je savais pas, là. Puis non, à la fin pas. Du jeu, t'as. Mais ça des... donne quoi? Dans le checkpoint, des fois, il y a une petite affaire qui flotte. Ouais, ouais. Puis ça peut te donner du comme cash. Comme une orbe, là, ou je sais pas. Ouais, quoi. C'est ça. Puis ça te donne du cash ou ça te donne okay. des affaires. Fait que tu peux casser le checkpoint puis ramasser le loot. Manac. Mais si tu meurs, par exemple, ça compte plus, ça. Tu reviens à l'autre okay. checkpoint d'avant. Et fait que ça, c'est cool. Parce que j'ai appris ça parce que quand tu finis le jeu, t'as des objectifs, tu sais, il y en a quasiment 50 là, dans le fond. Okay. Genre, finis telle affaire sans mourir, finis en cassant tous les checkpoints, ces affaires-là. Oui. Puis moi, c'est ça, j'ai fini le jeu, puis après, tu peux jouer à Game Plus. Oui. Puis là, c'est vraiment plus là, dur. C'est vraiment tough. Il y a la moitié des checkpoints, là, d'ailleurs. Okay. Donc, faut pas que tu meurs, puis tu perds pas mal plus de life. Là, oui. Non, moi, j'ai comme un petit peu décroché. Là. Tu commences avec tout, par exemple. Mais oui. Là, c'est, ben, là, j'avais joué beaucoup, si ça me tentait plus. Là. Non, c'est ça. Mais l'histoire, elle est fun aussi, parce que dans le fond, c'est à... T'as une amoureuse, c'est la Shield Knight. C'est une fille avec un gros bouclier. C'est ça, c'est une fille badass qui se battait avec toi, dans ouais. le fond. Fait que c'est pas la princesse typique. Non, ça, non, j'ai c'est ça. Cool, elle s'est juste faite comme transformée en méchante. Puis ouais. En tout cas, là, faut que t'ailles la chercher, là, finalement. Puis là, t'as Black Knight qui est amoureux d'elle ouais. aussi. Puis là, il te donne du trouble, là. Ça, c'est très drôle, ça. Ouais, puis t'as tout le temps une passe de rêve entre chaque niveau. Ouais, ouais. Où justement, tu te bats contre des balises, t'essayes de l'attraper des airs. Là. C'est quasiment romantique, là, ouais. quand elle arrive au ralenti. Là, c'est... Non, c'est bien fait. Il y a une belle, c'est ça, une belle atmosphère. Puis j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai joué sur 3DS. Je sais pas si tu as joué sur 3DS mm-hmm. ou Wii U. Puis sur 3DS, j'ai beaucoup aimé la 3D dans des environnements ouais. 2D 8 bits comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on voyait pas auparavant. Puis il y a bien du détail aussi dans les cutscenes. Ouais, ouais, la ouais. façon qu'ils sont faites, c'est vraiment, vraiment beau. Là. Ah, ils ont profité là, de la force, dans ouais. le fond, pour mettre le plus de détails possible dans tout. Là. Ben, c'est ça que je lisais aussi. J'ai lu sur le blog du développeur que Il n'aurait pas pu faire ce jeu-là, en fait, sur une NES, parce qu'entre autres, il y a beaucoup plus de couleurs qu'il y avait sur la NES. On le sent, ça, quand même. Tu le sens quand même, là, la profondeur. Ils disent que le schéma de couleurs, par exemple, adhère à celui de la NES, mais comme plus, ils l'ont amélioré. C'est mais ça. Ils sont restés dans les mêmes palettes de couleurs, un peu. Okay. Il me semble que j'ai entendu quelqu'un dire aussi que la musique est comme adhère aussi au NES, genre, qu'elle pourrait jouer dans un NES ou un affaire dans J'ai pas les infos pour ça, mais ils disent que c'est une soundtrack faite en chiptune puis qu'elle est disponible pour download sur Bandcamp gratuitement. Ouais, si c'est ça. Ah, gratuite, ok. Ah, ah, super bonne, super bonne. Ouais, sérieux. T'es 40, cette trame sonore là. Elle est encore plus le fun en jouant, là. Ouais, ouais, là, c'est parfait. Tu meubles, là, ça t'en revient. Ah oui, ça revient, là, c'est vraiment hot. Justement, à la fin, quand tu fais le Battle Royale, puis chacun des boss, quand il t'attaque, là, c'est Saturn à lui qui parle. Ouais. Oh, là, ça donne un petit frisson. Là. C'est vraiment hot. C'est vraiment écœurant, ce jeu-là. C'est super bon. Il est un peu cher, là, mais moi, c'est totalement mon genre. Fait que ça m'a pas dérangé de payer la totale pour ça, qui est genre 18$ avec les taxes, c'est à peu près. 18$ là. Avec les taxes. Mais ça surprend quand même au départ aussi, à cause que c'est pas un jeu qui est si long à finir non plus. Là. Non. C'est un jeu rétro, sauf quand tu regardes toute la profondeur. Exact. Tout ce que le jeu apporte, puis aussi le fait que ce jeu-là, dans un sens, tu sais, il est peut-être pas long, mais il n'y a pas de défaut vraiment. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment un super bon jeu, tu sais. Moi, j'ai passé au travers de ça avec joie, là, tu sais, puis j'arrêtais pas, là. Mais moi, je dirais au monde, parce qu'il y en a probablement des comme moi, là, arrêtez pas au premier tableau. Parce que moi, le premier tableau. Surtout à 20$. Oui. Mais moi, le premier tableau. Il est un peu vide, le premier tableau, sérieux. Il n'y a pas grand-chose au premier tableau, mais c'est pour te faire la main un peu. Après ça, t'en as plus de challenge, là, des astuces d'affaires partout, et du platforming plus intense, là, vraiment. Mais c'est parce que c'est une tendance chez les indépendants de faire des platformers 2D. Encore plus dans ce style graphique-là, tu sais. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup, tu sais. Ah, ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, vu qu'il y en a tant que ça, quand t'en vois un autre arriver, tu fais comme, ah, OK, mais tu sais, qu'est-ce que ça va amener de plus, celui-là, tu sais. Ah, mais moi, lui, je sais pas, dans celui-là, mon cœur, il était différent, tu sais. Non, c'est ça, parce que lui, il a été fait dans les règles, oui, dans un sens, tu sais. Il a été fait par des gens qui avaient ça à cœur, tu sais. Pas... Les autres, c'est plus quelque chose de graphique. Ouais. T'as pas le background, ce qui est le jeu, le gameplay, c'est pas vraiment le feeling old school que t'avais. Exact. Puis là, ça l'est. Ça marche parfaitement. Là. Non, c'est authentique. Là. Mm. Très bon. C'est très, très, très, très bon. Par rapport à la soundtrack, on demandait là, pour le NES. Là. Ouais. Il y a Ellie dans le chatroom qui dit que tu peux faire un ROM de NES avec la soundtrack, puis après ça, tu peux la faire jouer dans un NES ou dans un émulateur NES. Ah, c'est ça. C'était ça l'affaire. Puis c'est Ellie qui avait dit ça à la dernière soirée, justement. Okay. J'étais un peu dans les vapes. Puis, j'ai rempli de connaissances, ce gars-là. C'est clair. Merci, Ellie. Bon. C'est toi le prochain sujet? Moi, c'est moi le prochain sujet. J'ai joué à un jeu auquel je ne m'attendais pas tout à jouer parce que. Je sais même pas c'est quoi, man. J'ai même pas regardé. la série One Piece. En fait, c'est un. One Piece. Ouais, c'est One juste Piece. Comme un pyjama. C'est One Piece Unlimited World Red auquel j'ai joué. En fait, c'est un manga. OK. C'est une série de dessins animés aussi sur du Japanimation. Ce jeu-là, il est sur Wii U, sur 3DS, sur PS3, 360 et PS Vita. Puis c'est un jeu, en fait, on pourrait dire que c'est comme un genre de quest. On pourrait dire que c'est un action RPG, mais le côté RPG est très soft quand même. Là. C'est plus action que RPG. Il dit c'est action-aventure, le jeu. C'est ça, action-aventure. C'est juste que tu as quand même un petit côté RPG qui est pas à nier quand même, là, parce que tu as quand même des trucs à gérer. OK. Puis ce jeu-là, c'est ça, je l'ai dit, il est pareil comme la série One Piece. L'histoire a été écrite par le créateur de la série, qui est, attention, knowledge, Eiichiro Oda. On les dit tout le temps, le nom des créateurs japonais, mais c'est que ça sert à rien. Non, mais ça sert en fait à l'auditeur. Tu sais, le gars qui va faire comme... Ben, t'as vous même pas... Tu sais même pas c'est qui le créateur. C'est un colique de série, là. Man, fuck. Piu, piu. Et voilà, ce gars-là a été batté. Ouais, ce gars-là a été batté. fait que c'est ça. Puis, mais moi, c'est ça. Cette série-là m'a attiré, en fait. Quand j'ai vu que ça allait sortir sur la PS Vita, j'étais super content parce que dernièrement, c'est ça, il y a eu une entrevue. On va en parler plus tard dans le show. Sony a dit « Ah, la PS Vita, tu sais, il n'y aura plus vraiment de grands développements de jeux AAA qui vont venir de Sony, tu sais. Ah ouais, ça va être les third parties qui vont le faire, tout ça. » Fait que moi, ça m'a un peu donné. Je me suis dit comme ben « oui, calice, je viens juste de l'acheter. » Je viens pas juste de l'acheter. T'as fait un bout, OK. Mm. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Ben oui, c'est ça. C'est l'amour. Tu l'as toujours avec toi. Oui, tout le temps. Mm. Puis c'est vrai en plus. c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, bref, je me disais, bon, ben, à toutes les fois qu'il va sortir un jeu, Colin, comme un gars super désespéré qui veut des jeux, ben, je vais le checker. Puis là, c'est ça. One Piece, ça vient de sortir. Puis c'est totalement dans le genre de jeu qui se fait sur les plateformes de Nintendo. Ouais. C'est super coloré. On dirait vraiment un genre de Zelda, si on pourrait dire. Puis tu commences, tu es avec ton personnage. Le personnage principal, c'est un bonhomme avec un chapeau de paille. Tout le monde qui connaît la série le connaît. Il est super drôle. Il est vraiment le fun là-dedans. C'est une série qui est super drôle. Okay. Au départ, là, c'est écrit de façon vraiment comique. C'est très japonais. Des fois, tu vas voir un personnage qui passe ses culottes, il va faire « Oh, avec les larmes partout puis tout. Ouais, c'est super drôle. Puis dans le jeu, ils l'ont vraiment bien recréé, ça, parce qu'ils ont fait un environnement en cel-shading. Puis, il est super beau sur la PS Vita. Je l'ai vu aussi sur Wii U. Puis, sur Wii U aussi, il est vraiment superbe, ce jeu-là. Il est vraiment magnifique. Puis, ce que tu fais là-dedans, c'est que tu te promènes avec ton personnage avec un chapeau de paille qui peut se battre, parce que là-dedans, tu combats beaucoup. Puis, tu as une équipe avec toi, une équipe de pirates. Dans le fond, tu es un pirate, puis tu as okay. ton crew de pirates. Puis, tu t'en vas combattre à gauche et à droite. Ça commence que, dans le fond, tes amis se font kidnapper. Tu as un gros crew, vous êtes à environ 7 ou 8. Puis là, il y en a une partie de ça qui se font kidnapper. Fait que là, tu sors du village puis tu t'en vas les chercher dans une île précise. T'sais. Okay. Mais tu te promènes. Ça m'a un peu déçu. Je me suis dit, ça va être le fun. Il va rentrer dans son bateau puis il va se promener puis il va se rendre à l'île puis il va secourir ces personnes-là. Mais c'est pas ça qu'il fait. En fait, t'as comme le centre de ton jeu qui est un village dans lequel tu fais tes affaires, tu t'en vas dans un magasin, on te donne des quêtes secondaires, tu vas pouvoir améliorer ton espèce de village en faisant bâtir certains commerces tout ça pour améliorer tes affaires. Okay. Puis après ça, tu sors de là pour aller faire ton quest. Okay. Quand tu vas faire ton quest, tu farmes dans ton village, puis après, tu pars à l'aventure. C'est ça, exactement. Puis quand tu t'en vas faire ton quest sur ton île, ben là, tu vas avoir plein d'ennemis un peu partout, puis tu vas avoir des petits trésors à trouver, des trucs comme ça. Mais ce qui est plate dans ce jeu-là, c'est que ces environnements-là, ces îles-là, ben, ils sont pas toutes pareilles, ils sont toutes différentes, mais elles sont vides. Ah ouais? Tu sais, tu te promènes là, dans une espèce de terrain plein, là, puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. C'est beau, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien partout. Tu sais, fait que ça, c'est un peu plate, un peu drabe. Tu sais. J'avais pensé à un certain Dylan Western. Oui, oui, ben, c'est vrai que ça serait un bon exemple. Ouais. Tu sais, c'est un peu dans le genre, mais visuellement, c'est super beau pareil. Mais ce qui va te rester accroché à ce jeu-là, c'est le combat. Le combat est hallucinant dans ce jeu-là. Ah, t'es un pirate, là. Oui, à grand coup d'épée puis de gun? Ou... Mais t'as pas d'épée, c'est ça. Tu te bats avec tes poings puis tes pieds. Puis entre autres, ton personnage principal, lui, quand il se bat, il peut. Ses membres sont élastiques. Fait qu'il va sacrer un coup de poing à l'autre bout du monde. Puis tout est super, super bizarre. T'sais. T'as un espèce de gros bonhomme avec des bras en bazooka. T'en as un autre que c'est un samouraï. Lui, il se bat vraiment avec une épée. Ouais. T'en as un autre, c'est un gentleman. Il lui pitch de la bouffe puis il lui pitch de la fumée. Il y a une fille qui est en top, juste en petit bikini. Ouais. Elle, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle fait, mais l'autre fille, elle parle à penser, elle fait sortir des mains du sol, tu sais, comme des affaires super fuckées. Mais c'est le fun. Il y en a un autre aussi qui t'approche le monde avec de la musique. C'est vraiment weird, un squelette. Fait que c'est ça. Là, j'entends dans ma tête présentement tous ceux-là qui écoutent la série en malade depuis 20 ans puis qui disent c'est une newbie. Mais oui, j'étais un newbie. Je viens de la connaître, cette série-là. J'ai déjà vu, mais je connaissais pas beaucoup. Mais c'est vraiment intéressant. Le combat est super le fun. Le combat, c'est vraiment des combos que tu fais un peu tout le temps. Puis c'est le fun de faire ces combos-là, c'est le fun de se battre, puis c'est le fun parce que c'est la grosse partie du jeu. Puis t'as des boss, puis les boss sont plus grands que nature. Okay. C'est pas un jeu qui est super difficile, mais si tu veux jouer à un manga du Japanimation, ouais. J'ai jamais rien vu de tel. C'est vraiment, c'est exactement ça. Là. J'espère que les gens vont prendre ce jeu-là en exemple quand ils vont vouloir faire ce genre d'affaires-là. Comme tu sais, moi j'avais joué à un jeu que j'aimais beaucoup, Gungrave. Ouais. Puis j'aimais beaucoup le look de Gungrave par rapport à la série animée. J'espère que ça va aller dans ce genre-là un peu de série animée, que ça va vraiment respecter le genre comme, admettons, justement, tu sais, Attack of Titan ou je sais pas trop quoi, là. Hein? Ouais. Mais toi, c'est vrai, tu l'as pas vu, la série. Excuse-moi. Il y a une série japonaise, c'est des titans qui attaquent un village, puis il y a un jeu de 3DS qui sort de ça. Il est sorti au Japon, il est pas sorti en Amérique du Nord. OK. Mais c'est pas super beau, tu sais. Ah, OK. Puis j'aurais aimé ça que ça soit dans ce genre-là. Mais bref, pour revenir à Unlimited, c'est le fun. Il y a plein d'affaires à faire. Tu peux pêcher, tu peux attraper des bébites, puis tout ça. Puis il y a tout le temps des mini-jeux rattachés à ça. Fait qu'ils réussissent à faire des affaires le fun avec à peu près tout ce qui existe. Il y a beaucoup de stock à faire. Il y a bien du farming là-dedans. Ouais. Il y a aussi un mode colisée dans lequel tu vas juste t'approcher du monde. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a tout le temps une attention particulière au script puis à ce que les personnages vont dire puis tout ça. Puis c'est des voix. C'est tout le temps les voix originales japonaises que tu entends. Puis tu as des sous-titres en français. OK, en dessous. Fait que ça, c'est vraiment agréable parce que tu as vraiment la vraie intention. Ça donne un ton, ouais, c'est ça. Fait que non, c'est super le fun. Puis je dirais aux gens, même si le jeu est super coloré, achetez pas ça à vos enfants parce qu'il y a énormément de références au sexe. Oui. C'est incroyable comment il y en a là-dedans. Mais même dans la série animée, il y en a pas mal. Tu sais, dans la série animée, vu que je m'intéresse au jeu, je suis allé en check-in coupe. Puis ça arrive quand même assez fréquemment qu'il y ait quelqu'un qui se fait tuer. Mais c'est clair qu'il se fait tuer. Genre, il se fait craquer le cou ou il se fait tordre en deux. Puis le gars, il est mort, tu croches, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme tu peux toujours coloré, regarder la fille aux grosses boules pour te calmer les nerfs. Mais c'est ça, il y a deux filles aux grosses boules, puis ces filles-là, tu sais, sont vraiment pas vêtues, puis dans un univers où présentement, on est vraiment comme, tu sais, fight the power pour la femme. Exact. Tu vois un jeune même arrivé qui est un peu targeté vers les enfants, là, le monde va capoter. Ouais. Comme, mais ça, c'est non, comme c'est le Japon, man. C'est pas pareil. Ben, c'est le Japon. C'est pas pareil là-bas. Non, c'est pas pareil. Mais ce jeu-là, en fait, moi, je dirais aux gens, achetez-le. Là, il est 39,99 sur Wii U, c'est vraiment la meilleure version d'après moi. Mais vu que je suis sur PS Vita plus souvent que chez nous, je me promène beaucoup, ben. Pauvre gars, c'est encore plus sur la route que Stephen Harper. Exact. Fait que c'est ça. Good. Information complémentaire, c'est publié, je sais pas si tu l'as dit, par Bandai Namco Games. Oui, Bandai Namco. On les aime, eux autres. Et le développeur Ganbarion. Ou Ganbarion. Ganbarion. Ganbarion. Ouais, puis c'est Toei qui fait toute l'animation. Ah, j'ai pas cette information-là. Ouais, l'espèce de petit chat d'Artagnan là, qui est l'emblème de cette compagnie-là. Ouais, ouais. La série One Piece est rendue à 655 épisodes. Juste ça. Ah, sacrément, c'est okay. Tout, là. Ah bon, c'est plus énorme, que l'an 50. Ça commence. C'est plus que l'an 50. C'est plus que l'an 50. Je suis pas certain. La revanche. Ouais, faudrait checker, pour vrai. Peut-être pas. Faudrait appeler Réjean. Excellent. All right. On est déjà rendu à l'heure en musique. Oui, on s'en va en musique. Je suis nostalgique de Mario Galaxy 2, mais comme je vais être dans le temps, on va vous faire écouter Cloud Top Cruise de Mario Kart 8. Yes! We'll be right back. Bon, fait que comme je disais, une demi-heure. J'aime beaucoup trouver des hidden gems de DS. La ben DS, oui, est une console portable que j'aime beaucoup, surtout ma DS Lite. Elle, oui, est belle, elle est lumineuse, elle est légère, man. Elle est superbe. Puis j'en ai acheté une coupe dernièrement. J'ai acheté Electroplankton. Oui, c'est le fun, ça. Ouais, ça, je savais que t'aimerais ça. Ça, c'est ton genre, oui, ça. Ton genre, c'est des affaires. Fucké. Fucké. Mais c'est pas. Bouge la feuille. Ça, tu joues à ça bien vache dans ton lit de même. Il n'y a rien à jouer là-dessus, là, sérieux. C'est... Ben, tu fais des mélodies. Vraiment. Tu fais des mélodies. Tu fais de la musique. Tu fais du beat. Ça s'enregistre même pas. Là, ça s'enregistre pas. C'est juste gossé. Ça sert à fuck. Ça sert à rien, ce jeu-là. Ça sert à rien, mais c'est zen. Là. Moi, je jouais ça avant de me coucher, là, puis j'étais hypnotisé bien raide. J'étais quand même, c'est bon. Lève les affaires. Là. Puis t'avais comme plusieurs planctons différents. Ouais, c'est comme plein de mini-jeux, en fait. Ils ont vendu séparément par la suite en digital. Ah ouais? Sur le DSiWare. Oh! Ah ben voilà. Oui. Ben en tout cas, moi j'ai une belle copie neuve aussi avec la petite boîte chrome. Es-tu métallique? Métallique. C'est ça, elle est belle. Fait qu'elle vaut un petit peu plus cher. C'est pour ça que je la voulais, entre autres, parce que j'avais jamais vu ça. Nice. Mais je veux parler de Ninja Town. Oui. Sais-tu ce que c'est, ça? Oui. As-tu déjà joué à ça? Je me souviens je rote en te parlant. Je vais aller voir une image pour être sûr. SDS, je n'ai essayé pas. C'est mal. Un Tower Defense. Oh. Puis ça se passe dans un petit village de ninja tout cute. Des petits bonhommes ronds, là, noirs, avec des grands yeux. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que dans Ninja Town, toute l'économie des ninjas tient sur les biscuits ninja. Puis là, il y a un méchant démon. Joué. Ah, c'est fucké. Il y a un démon méchant qui veut prendre la recette des biscuits pour contrôler le monde. Là, okay. Fait qu'il envoie les minions sur la ville, sur le village. Puis toi, t'es un vieux, le Old Master Ninja. Okay. Puis toi, t'es comme dans le. Ben, tu sais, c'est à toi d'organiser tes troupes pour défendre les invasions. Ah, oui. Puis c'est drôle parce que le script, il est très, très, très, très drôle. C'est des jokes, la façon que c'est écrit, man, c'est tordant. Puis il y a tout le temps Ninja Consultant qui aide avec ses techniques là, à ce que le vieux se souvienne comment défendre la ville. Là, fait. T'as le Ninja Maire, lui, il se cache en dessous de son bureau puis il attend que tout passe. Là, puis c'est super cool. Dans le fond, ça se passe comme il y a des mondes différents. Le premier monde, c'est dans le village en tant que tel. Okay. Dans le deuxième, t'es plus dans le district business du village. Okay. Fait que là, t'as Ninja Businessman. T'sais, eux autres, ils sont plus rapides. Parce qu'ils boivent la caféine au max. Puis ils ont des téléphones cellulaires, puis ils vargent à coups de cellulaire. Puis l'autre, t'es dans la forêt, etc. Donc, puis dans chacun de ces mondes-là, t'as quatre niveaux. Puis c'est assez. C'est la base. Là. T'as des ennemis qui vont normal. T'as des ennemis qui sont plus lents, mais qui fassent plus fort. Puis t'as des ennemis qui volent. Puis là, t'en as qui crachent de la merde. Puis là, ça t'empoisonne un peu. Il y en a un peu de toutes les sortes. Puis toi-même, t'as toutes sortes de ninjas. Okay. Ninja de base, ninja qui frappe plus fort. Des ninjas de businessmen qui sont caféinés, qui vont plus vite. Il y en a qui tirent des balles de neige, ça ralentit les ennemis. Il y en a qui tirent des flèches ça, un peu partout. Mais là, tu disais que c'est de la défense de tour. Fait que. Toi, tu bâtis des petites maisons. Tu bâtis des petites maisons. Il y a deux ninjas par maison. Okay. Puis t'as des cases là, où est-ce que tu les mets. Ouais. Puis tu peux faire monter de niveau ces maisons-là aussi. À chaque fois que tu tues un monstre, il te donne des biscuits. Okay. Puis ces biscuits-là, c'est comme de l'argent. Puis tu utilises ça comme monnaie pour monter de niveau ou choisir ce que tu construis. Tu peux aussi construire un dojo. Okay. Ça booste là, toutes les maisons qu'il y a autour du dojo. Dans le fond, ça booste l'attaque. Tu peux faire un centre de thé aussi, un salon de thé. Okay. Ça les, ils sont plus rapides. Puis tu peux faire une tour aussi d'observation. Ça, ils vont avoir un plus long range. Ouais. Parce que si les ennemis, ils suivent tout le temps un chemin de la ville. Puis toi, tu bâtis de chaque côté du chemin. Mm-hmm. Fait que là, quand ils passent, un moment donné, whoops, il est rendu trop loin. Tu sais, ton petit bonhomme, il se rend plus. Là. Fait que là, tu as 10 cœurs. Puis chaque fois qu'il y a un ennemi qui réussit à passer ta défense, tu perds un cœur. Okay. Puis le vieux maître, lui, il est comme dans l'écran du haut, il flotte sur le côté. Puis lui aussi, il a des attaques spéciales, de comme un gauge, un bâton. Tu le vois ici, sur ton téléphone. C'est ça. Puis à chaque fois que tu butes du monde, ça se remplit. Puis tu as des choix d'attaque de maître. Okay. La première et la plus utile, tu peux souffler dans le micro, puis ça fait reculer les ennemis. Okay. Ça, c'est vraiment génial. Tu as un autre aussi que tu peux comme crier dans le micro pour booster tes troupes. Tu sais, go, go! Puis là, ils se mettent à varger plus fort. Fait que tu joues pas ça dans le métro. Là. Non, c'est ça, c'est gênant. C'est tout le temps, c'est hot, mais c'est gênant, ça, tu sais. Il y en a un autre, tu peux faire venir un ninja consultant qui spin une roulette, puis là, ça te donne des powers. Il y a un autre ninja Superman qui slam sur le sol, puis qui ça fait... ça bute tout le monde. Non, c'est vraiment bien fait. C'est cool, non, hein? C'est fait parce que c'est rare qu'on voit ce genre de division-là dans l'écran de la DS. L'écran du haut est comme divisé en deux, puis l'écran du bas est plus. Ouais, dans l'écran du haut, t'as les stats, puis dans l'écran du bas, c'est là que tu joues, dans le fond. Okay. C'est super bien fait. Ouais. Puis t'as aussi des items spéciaux que tu pognes à la fin de chaque niveau. T'as okay. un bébé ninja. Fait que ça, lui, quand tu le mets dans la rue, il est tellement cute que, genre, les ennemis qui arrivent, il faut qu'ils le regardent, ils le trouvent ils trop cute. Ils ralentissent. T'as un ninja, t'as une marde, tu le mets à terre, genre, puis là, ça fait baisser la life des autres, là, tu sais. C'est super cool, sérieux, c'est tordant au bout. Puis, c'est ça, man, là, j'ai pas encore fini, mais ça avance, là. Puis, écoute, c'est totalement addictif, là. Moi, j'adore nice. Ça. C'est très joli, c'est hyper sympathique, super drôle à lire. Ouais. C'est la musique est tout le temps pareille, par exemple. Ça ouais. peut sembler un peu répétitif, là, mais quand même. Puis, tu peux, ça me dérange pas. Puis, tu peux finir les niveaux avec des notes A, B, C. Okay. D, que j'ai déjà eu aussi. Mais tu sais, moi, je suis comme « fuck that, man, je veux des A partout. » Je recommence, tu sais. Puis tu peux recommencer les niveaux aussi tant que tu veux. Fait que okay. des fois, tu te dis « OK, je mets juste des ninjas noirs ici, là. » Puis that's it, d'un coup, « ah merde, là, ils t'envoient genre une chier d'ennemis qui volent. Okay. » Puis là, t'as pas bâti de hutte à ninja qui tire dans les airs. Fait que là, t'es foutu, tu sais. Donc, mais ça, c'est pas trop fâchant. C'est bien balancé, là, tu sais. C'est okay. pas dur. Tu passes au travers de ça. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec ça présentement. Parce que là, je regarde, c'est South Peak qui ont fait ça. Eux autres, ils ont fait Ninja Town, Mr. Slime, Dream Pinball 3D, puis Scourge Hive. Fait que, tu sais, ils ont fait comme ça plein. Ça me dit rien, tout ça. Tout du DS, ça, ouais. Ouais. Et c'est eux autres qui ont publié l'excellent 3D.GameHeroes, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est assez solide. X-Blade, ça, c'est pas bien bon. Fait que c'est hit and miss, là, vraiment. Mais ça, c'est un publisher, il me semble. C'est pas un développeur. Non, ah, j'ai ça. Même pas regardé, vois-tu. Jeff, tu l'as-tu, toi? Excusez, je vous écoutais pas, je répondais au monde dans la chatroom. Ah, ok. Maudite affaire. Y a-tu du monde qui parle de Ninja Town dans le chat? Non, le monde, il parle encore de « Votre stream marche pas parce qu'ils n'ont pas fait de refresh, là. » Ah, ok. Vous parlez de développeurs, c'est ça? Ouais, mais... Vinyl Entertainment, South Peak Interactive. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais c'est ça, c'est Ninja Town, en fait. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont même un ninjatown.com qui existe, fait que... Ah, tu vois? J'ai comme l'impression que c'est plus gros que juste le jeu. Ouais, ça a l'air d'être... Wow, y a-tu des toutous? Il hein? y a un jeu sur iOS, ah. Ninja Builder. Et puis, quand même, hey, ça, Games... Ça doit se ressembler un peu. C'est gros. Non, mais c'est parce que check le site, ça a l'air d'avoir pas mal de stock. Ouais. Ah, c'est cool. Je pensais pas que c'était un univers complet. Existant. Je suis sûr qu'il y a des toutous de ça. Les petits bonhommes sont shape parfaite pour avoir des toutous. Mais, hein? Tout. Ah, mais c'est cool, ça. Je vais checker ça. On checkerait ça. En plus, je ne l'ai pas payé trop cher. Je pense que c'est autour de 15$. Fait que non, il vaut totalement la peine. Ouais, génial. Ouais. Bon, moi, je voulais maintenant vous donner solide en vous parlant de Valiant Hearts. Ouais. En fait, non, je vais pas vous donner. C'est juste que le sujet est triste. C'est à propos de la Première Guerre mondiale. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir. Ouais, c'est un nouveau jeu d'Ubisoft Montpellier. Ça a sorti quasiment en même temps que voyons, Colin, Child of Eden. Non, Child of Light, excusez-moi. Puis c'est ça, vu que ces deux jeux-là ont sorti à peu près en même temps, les gens ont tendance à les confondre. Violent Hearts, The Great War, c'est un jeu sur la Première Guerre mondiale. C'est fait totalement en animation 2D. Ah c'est ouais, okay. super beau. On va aller voir de quoi ça a l'air. Vraiment magnifique. Puis la plupart du temps, c'est ça. C'est l'affaire qu'on retient le plus, c'est le look. La première fois qu'on regarde ça, c'est vraiment bien fait. Puis aussi, ben c'est un sujet qui est quand même assez difficile, la Première Guerre mondiale, parce qu'il n'y a rien de drôle là-dedans, puis il n'y a rien de le fun là-dedans. Puis ils ont réussi à rendre ça quand même... Ça a l'air tout cute. Acceptable. Tout cute, c'est ça, ça a l'air cute, mais finalement, le sujet est vraiment deep. Puis quand tu joues, tu n'as pas un feeling de cute, finalement. Ils réussissent à te montrer quand même les horreurs de la guerre par ça, mais c'est regardable, tu sais. Mais c'est tellement beau. C'est vraiment magnifique. Puis là-dedans, tu t'incarnes 5 personnages différents. Puis c'est tout un peu leur vision de la guerre, la façon qu'ils l'ont vécu. T'en as un que c'est vraiment un combattant. À un moment donné, t'es avec un espèce de cuisinier, un cuistot qui est avec son chien. Ouais. T'as une fille qui s'en va chercher son père. T'en as un qui s'en va à la guerre. Puis t'as aussi un autre qui est un commandant allemand. Ouais. Fait que t'as comme plusieurs facettes de cette guerre-là. Puis c'est un genre de jeu de puzzle. On pourrait dire que ce jeu-là ressemble un peu à Rocket Birds qui était sorti plus tôt l'an passé. OK. Parce que c'est... T'avances, t'as des puzzles, puis c'est pas mal juste ça. T'sais, c'est comme un jeu d'aventure. On pourrait dire même que ça peut ressembler à Out of This World ou des trucs comme ouais, ça. Ouais, parce ouais. que t'as plusieurs énigmes à résoudre, puis c'est surtout ça qui fait le jeu. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment l'histoire qui fait le jeu. Tu veux avancer pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde sait c'est quoi la Première Guerre mondiale, mais on connaît pas les détails. On la connaît moins, la Première Guerre mondiale, que la Deuxième. Les enjeux, les pays impliqués, tout ça. Exact. C'est que là-dedans, en fait, ce qui arrive, c'est que tu te rends compte que tout le monde était impliqué, en fait. Il y avait beaucoup de nationalités là-dedans, puis il y avait des nationalités qui... Il y avait des ethnies qui travaillaient ensemble, tout ça. À un moment donné, t'es avec un Italien, t'es avec un Africain, tu vas mélanger justement avec d'autres gens pour pouvoir te battre, puis aussi des fois parce que tu sais juste pas dans quoi t'es embarqué. Puis c'est vraiment intéressant la manière qu'ils ont apporté ça. Puis le jeu, il est le fun. Il est vraiment le fun à avancer. Les puzzles sont bien faits, sont pas trop durs. C'est juste assez difficile pour que tu te creuses la tête un petit peu, mais c'est passable, ça se fait quand même assez bien. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ta solution sur Internet. Là, tu vas y arriver. Puis en plus, si tu n'es pas capable, on te donne des indices au fur et à mesure que tu as le droit d'aller voir ou non. C'est selon c'est ton choix. Okay. Puis ce jeu-là aussi, ce que j'ai trouvé bien, mais qui peut paraître fatigant pour certains, c'est qu'ils sont associés à les producteurs de la série Apocalypse. C'est une très, très, très, très bonne série sur la guerre. Okay. La narration est faite par Mathieu Kassovitz. OK. Puis c'est ça. Pis c'est tout le temps le fun, ça, des affaires de guerre. Ouais, moi, je trouve ça super intéressant. Mais c'est vraiment super intéressant. Cette série-là, entre autres, est vraiment bien faite. Fait qu'en fait, ils sont associés avec eux autres pour mettre des espèces de vignettes que tu peux accéder pendant que tu joues au jeu. Fait qu'admettons que tu es dans les tranchées. Ben là, à un moment donné, tu vas voir en haut de ton écran que tu as une petite encyclopédie qui clignote. Tu pèses sur ton bouton, puis ça te présente une vignette, puis ça dit, là, tu vois ce que c'était la vraie vie. Fait que t'as une photo d'archives, admettons, dans les tranchées. C'est quasiment joué dans un documentaire, finalement. Oui, c'est un peu ça. En fait, on veut t'apprendre des affaires quand tu joues à ce jeu-là. C'est pas... Ça m'a pas donné l'impression de... Tu sais, ils ont pas utilisé la même voix que les Call of Duty, puis ces jeux-là, où... Tu tires du monde en malade, puis tu t'en crisses un peu des conséquences. Ouais, non, c'est vraiment pas la même affaire. C'est vraiment pas la même affaire. Puis là, c'est plate parce que j'oublie le titre, mais il y a un jeu aussi qui va sortir sur PC cette année qui parle plutôt des victimes de la guerre plutôt que de la guerre comme telle. Fait que t'as la guerre qui se passe autour. Ça va être gay. Ah, ça va être déprimant, maudit. Mais c'est ça, c'est ce que ça fait aux gens autour. Fait que c'est la survie de ces gens-là. Fait que moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait des jeux comme ça qui commencent à sortir parce qu'on vit dans un monde où on ça sert à sensibiliser. C'est le fun de jouer à la guerre. Ouais, mais c'est parce que c'est pas si le fun que ça, la guerre. T'sais. Exact. Fait que c'est ça. Fait que bref, un super bon jeu. C'est un jeu qui est simple, qui est vraiment pas compliqué, qui joue super bien. Présentement, moi, j'ai joué sur PS4. Je sais qu'il va sortir sur PS Vita. OK. Ça a l'air pas pire, ça, jouer mobile sur PS Vita. Il me semble que ça le ferait. Oui, ça joue bien. Moi, j'y joue en remote play sur PS Vita parce que là, il va sortir, mais il est pas sorti, sauf que tu peux jouer en remote via la PS4. Il va sûrement sortir sur la Wii U, ça je suis pas mal certain. Xbox One, toute la gang, c'est sûr et certain, parce que c'est un jeu d'Ubisoft. D'habitude, eux autres, c'est universel. Ils sortent ça sur le plus de consoles possible. Ça sortira sûrement pas sur 3DS parce que ça demande trop de puissance graphique pour le faire. Là. Parce ça va sortir au 2600, tu penses? Un carré dans sûrement. Une ligne. Ah ouais, c'est ça. Ça serait hot. mais non, c'est excellent. La trame sonore est écœurante. J'ai écouté ça toute la semaine. C'est vraiment génial. Fait que allez télécharger ça au plus sacré. Excellent, ça. All right. Je voulais juste mentionner que ça, le visuel me rappelle un jeu que tu as parlé il y a très longtemps, dans nos débuts même, je pense. Ouais. C'est comme des poulets qui se font la guerre. Là. Ben, c'est de ça que je parlais tantôt. C'est Rocket Birds, Hard Boiled Chicken. Hard Boiled, c'est ça. Ouais. Ça me fait penser à ça au bout. Oui. C'était Ubisoft qui a fait ça. C'est un peu le aussi? Même style de jeu. Non, c'est pas en tout Ubisoft qui a fait ça. Mais le look, là, ça ressemblait à ça. Ouais, c'est vrai que ça rappelle un peu ça. Ah. Mais c'est drôle parce que c'est le même genre de gameplay. Exact. C'est pratiquement la même affaire comme jeu. Puis c'est un jeu, les poulets, c'était de la guerre aussi. Exact. Mais c'était plus japonais, me semble. Ouais, puis c'était plus cute, oh, ouais, c'était drôle. Là, pis, ouais, ben c'était drôle. En même temps, je me souviens que c'était gory un peu. Tu tirais les poulets, puis il y avait plein de sang partout. Ouais. Mais oh, c'est des poulets, c'est pas c'est grave. Des poulets. On mange du poulet à toi. OK. Ouais. Ben moi, je vais parler de Bucky O'Hare au NES. Vous hey, savez, ça, là, la série... la série télé, là, les ouais. comics du matin. Mais c'était moi, j'ai pas. Cool, ce lapin-là. Man. Ouais, c'est le lapin vert, là, ouais. avec des lunettes sur les oreilles. Là, dans l'espace, là, qui y a un fusil laser, je sais pas trop. Puis il y a toute une clique, là. Puis désolé, c'est une série que j'ai pas écoutée. Fait que je sais que ça existe, mais j'ai jamais assez écouté génial. Ça de ma vie. Puis c'est un jeu qui est rare, ça, quand même. Fait ouais, par hein? Konami, qui est sorti vers la fin de la NES. Puis moi, je l'ai eu à bon prix. Ben, en fait, je l'ai acheté dans un gros lot. OK. Fait que je l'ai gardé pour moi. Mais je pense que ça vire autour de 40-50$, si je me trompe ça pas. Ça a l'air cher. C'est très cher. OK. Puis c'est ça. Donc, dans le fond, tu commences. Tout ton équipage s'est fait kidnapper. Puis, ben, t'es quatre personnages. Puis, ils sont répartis sur quatre planètes différentes. Fait que tu choisis par laquelle tu veux commencer. Puis, j'ai quand même. Puis, j'ai l'impression, wow. en y repensant maintenant, vu que quand tu réussis à battre, à faire une planète, tu délivres ton ami, puis quand après ça, tu l'as. Fait que quand tu payes sur Select, schlac, tu te transformes immédiatement en okay. ton ami. Puis lui, il a des pouvoirs spéciaux. Fait que en y repensant, il doit avoir un ordre précis pour les faire, pour être sûr que ça aille bien. Ouais. En tout cas, moi, j'ai fait dans l'ordre le plus petit ou plus grand. C'est comme Megaman, finalement. J'ai tout fait. Ouais, mais pas tant que ça. C'est pas nécessaire, non? J'ai l'impression. Okay. Mais ça peut aider à cette heure que j'y pense. En tout cas, vous irez voir sur Internet. Puis, parce c'est ça, t'as un stage select, puis tu peux sélectionner n'importe quelle planète. N'importe laquelle des quatre, exact. Okay. Puis quand tu bats le boss de ces planètes-là, ben là, tu délivres ton chummer. Puis okay. après ça, il est avec toi tout le temps. Donc, quand tu te promènes, après, tu n'es pas obligé d'être Bucky, tu payes sur Select, puis whoop, tu te transformes okay. en ton chummer. Puis chacun nice. De ces chummers-là a ses propres skills. Okay. Bucky, lui, peut sauter haut. Il y en a un autre qui est vraiment. Il marche vraiment plus vite aussi, puis il y a un genre de jetpack. Mais ça ne okay. sert à rien, tu sais. Ouais. Il y a une fille qui gonne vraiment rapidement. Son pouvoir, je m'en souviens même plus, tellement on s'en crisse. Il y a un autre gars qui tire dans plusieurs directions. Mais. J'ai pas trouvé ça vraiment important, les attaques spéciales de chacun. Je les utilise jamais, sérieux. Là. Puis ce jeu-là, il est très rapide. Ton bonhomme, il marche vite, puis tu meurs tout le temps. Je suis mort dans ce jeu-là. Là. Esti que je suis mort. Mais on s'en crisse parce que tu meurs, tu recommences tout de suite à la même place. Mettons, chaque niveau est à peu près séparé en quatre. Okay. Et quand tu meurs, tu recommences au début de cette bout de niveau-là. Mettons, okay. tu meurs dans la deuxième partie sur quatre, tu recommences au début de la deuxième. Là, je me suis dit, ah, fuck, mais quand tu pognes un continu, par exemple, tu recommences à 1 sur 4 et non pas okay. à 2 sur 4. Mais non, c'est même pas. Ils te laissent commencer à 2 sur 4 tout le temps, tellement tu meurs, là, tu sais. Fait que c'est bon. En même temps, c'est impossible de pas finir ce jeu-là un moment donné parce que. Parce que t'as-tu des continues quand même? T'en as tout le temps. Okay, fait que dans le fond, c'est comme t'avais des vies limitées, ce jeu-là. Okay. Tout le temps. Tout okay. le temps. Tu recommences tout le temps à la même partie que t'es au même bout de chapitre que t'es rendu. Ouais. Fait qu'à un moment donné, un gars, il finit par comprendre le pattern puis ben il continue son chemin, là, tu sais. Fait que moi, j'ai pas fini ce jeu-là encore. Je pense que je suis rendu au dernière partie du dernier niveau. Le boss de la fin doit être pas loin. Mais il y a des bouts qui sont tough. Tu sais, c'est un platformer, mais tu tires du gun. Mais mettons, t'as un bout que t'embarques sur des petits chariots qui vont de gauche à droite puis qui vont super vite. D'un coup, whoop, t'as un mur de pique. Fait qu'il faut vraiment que tu droppes rapidement, okay. là, tu sais. Ça pardonne pas pour bien des affaires. Le tableau, c'est à glace, man. Ouais. Ça me fait chier, là. Ah, les tableaux, c'est à glace. Ah, ouais, c'est vraiment des tableaux, c'est à glace. Les haït. Ah, attends. Tableau sur la glace, tableau dans l'eau, là. Ici, il y a un tableau ici où est-ce que t'as du feu. Dans Life Force. T'as du feu sur le sol. Puis t'as comme une vague de feu qui lève, puis qui fait une wave dans l'eau, qui redescend. Pareil comme dans Life Force ou dans Gradius 2. C'est très cool, un beau clin d'œil de Konami. Ah oui, hein. Mais la musique était cœurante, par exemple, elle est vraiment bonne. Puis c'est ça, tu sais, c'est. J'avais vraiment envie de jouer à ce jeu-là. Plein de monde ont dit que c'était bon. Mike Matei du Angry Video Game Nerd l'a mis dans les Hidden Gems de la NES, tu sais, qui sont vraiment bons, qu'il faut jouer à ça. Puis finalement. J'ai trouvé ça correct, mais. Pas plus. Je m'attendais à plus, sérieux. J'ai trouvé ça un peu trop. Je sais pas, tu meurs, vite. Peut-être que ça serait le genre de jeu qui est tellement difficile à avoir que les gens sont comme c'est super winner parce que c'est un des jeux les plus difficiles à avoir, tu sais. Ouais, ben c'est pas d'un si plus difficile que ça, mais c'est pas commun, là, tu sais. Quand t'en trouves un, tu le gardes, là. Mais tu sais, c'est un bon jeu, là. Je dis pas le monde jouait pas à ça jamais, tu sais. Non, c'est un Konami, quand même. Ouais, c'est ça. Puis c'est le genre de jeu NES que j'aime avoir. Un jeu NES qui vaut cher puis qui est bon, tu sais. Mais je pensais que ça allait être meilleur que ça, sérieux. Le sprite, il est gros dans l'écran aussi. Je sais pas, ça m'a buggé un peu, ça. C'est une autre version, hein? C'est un jeu d'arcade. Je sais pas ce que c'est. Ça, là. C'est lettre en parlé. Mais dégueulasse. Ça me donne l'impression d'un jeu de Super NES. Ouais. Il y a aussi des boss qui sont comme très, très, très, très, très faciles. Ouais. Il y en a qui sont vraiment durs, tu sais. Fait que. Mais il y a des boss de la fin que leur pattern, c'est juste ridiculement trop facile aussi. Fait que c'est un peu débalancé là, dans l'ensemble, ouais, je dirais. Mais somme toute. Je trouvais que les tableaux avaient l'air de se ressembler pas mal. Ben, ça, ils se ressemblent pas tant que ça, par non, exemple. Non, OK. Non, ça, c'est bien. Bon, tant mieux. Puis, ouais, non, ça, il y a des tableaux que ça scroll vers le haut, mettons, automatiquement. Okay. Fait qu'il faut que tu te dépêches pour pas te faire écraser entre deux plateformes. Ah, OK. Tu sais, ça glace, ça t'amène des choses. Il y a des... Non, des fois, t'embarques sur des vaisseaux spatials qui traversent l'écran, tu sais. C'est quand même différent, là. Tu t'ennuies pas en tout, okay. Là, puis ça va tellement même vite. Un vertical. Vertical, ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Non, non, c'est varié, c'est bien. Mais je sais pas, peut-être c'est moi qui attendais trop ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Je pensais être comme capoté, mais j'ai trouvé ça bien, tu sais. Mais quand même, si ben... vous saurez, si vous le voyez, là, pas cher, là, achetez-le immédiatement. Parce ça, que peut, ça peut aller chercher dans combien, ça? Tu disais 40$ tantôt. J'ai fait tomber mon micro. Je vais aller voir dans mon application NES Collector. Pendant que je checkais ça, puis crime, il y a vraiment un BuckyWare qui était aux arcades. Ouais, c'est ce que j'avais dit. En fait, une version d'arcade que tu pouvais contrôler Bucky, Jenny, Willy et Deadeye. Ou Blinky aussi. J'avoue que l'écran que je t'avais montré, Dom, n'était pas écœurant. C'était lettre en... Ouais. Mais des affaires écœurantes, là, ça a l'air ça, bien ça, cool. Ça a l'air... Ouais, j'avoue, hein. Ça fait penser aux Turtles. Ça serait dans... Sur... Ils disaient... Ils disent que c'est basé sur le jeu des Turtles et celui des Simpsons. Ouais. À l'arcade. C'est quand même assez solide, là. Ouais. Hey, faut avoir ça sur Mamé. Exact. Ma cassette. On ira se le pogner. Hein? Eh oui, man. Là, tu vois ici, ils disent dans mon application, le cart tout seul, 57$. Avec le manuel 75 et complet 145. Wow! Fait que 60$. Moi, en tout cas, quand même. Pour juste jouer 60$, je trouve que c'est cher, mais pour l'avoir dans votre collection puis y jouer, ça, c'est très bien. C'est un item parce qu'il y a du monde qui collectionne mais qui joue pas, tu sais. Ouais. Mais si tu collectionnes pour jouer, ben ça, c'est un très bel item. Ah! Puis voilà. Nice! Le jeu est sorti en 92, puis petite information complémentaire. Dom, tu disais tantôt que c'était dérivé d'une série télé, ça. Ouais. La série télé est un dérivé, en fait, d'un comic book fait par Larry Hama et Michael Golden. En 78-79, ils ont créé le personnage qui est apparu pour la première fois dans la BD Echo of Future Past en mai 84. OK. Donc, il y a une grosse histoire de ce personnage-là dans les bandes dessinées. Ouais, mais c'est. Ouais, tu le. Me demande pourquoi il est disparu. Il est vraiment cool, ce personnage. Non, c'est ça. Tu le regardes, ce personnage-là, puis comme son. Tout l'univers, tu te dis, OK, ouais. Il me semble qu'il y a eu pas mal d'affaires de ça. Ben là, oui. Il est écœurant en format BD, en plus. Allez voir ça sur Google. Là. Ouais. Nice. Cool. Ah, ben voilà. All right. À ton tour, mon champion. Moi, je voulais faire deux petits quickies sur des affaires de ma vie personnelle. Ouais. Dernièrement. Attends, je vais m'ouvrir une bière. En fait, je voulais parler des avantages du remote play. On voit l'écran d'homme qui se prennent bien. Salut, je vais pas gagner une bière. Hein? Non, c'est ça parce que le remote play de la PS4, j'étais un peu déçu parce que je me disais, ben, bâtard, je veux bien, mais je suis obligé de rester dans mon salon encore, tu sais. Parce que ça se rend pas jusque dans ton lit. C'est ça. Puis, il y a un de nos fans, pardonne-moi, je me souviens pas de ton nom exactement, mais il y a un mois, il m'a dit, ben non, man, t'as juste besoin de cliquer telle affaire sur ta PS Vita. Il y a un truc qui dit si tu veux être plugué en Wi-Fi ou directement sur ta PS4 via ta PS Vita. Puis, tu peux choisir d'être directement sur ta PS4. Puis, comme de fait, c'est ce que j'ai fait. Fait que je me plug en bas pendant que la PS4 est ouverte, puis je me rends jusqu'au deuxième étage dans mon lit, puis mon gars, je peux jouer à Watch Dogs pas n'importe quoi sur ma PS Vita. Ah. Ça a changé ma vie, man. Ouais, c'est hot. C'est vraiment écœurant parce que c'était ça que je voulais, moi, en fait, au départ de ma PS4. Et c'est ça qu'on voulait de la Wii U aussi, puis elle le fait pas. Puis elle le fait pas. Mais non, maintenant, un petit son qu'elle le fait pas, là, c'est poche, là. Salut, ouais, je pensais que t'allais mettre frim, frim, frim. Ah, mais c'était excellent. Ah, mais c'était parfait. Ah, j'aurais pu mettre aussi ça, sinon. Game over, man. game over, man. Mais c'est, mais je l'apprécie énormément, le Remote Play. C'est vraiment une très, très belle invention. Il devrait avoir ça. On aime ça jouer dans notre lit, nous autres, Calton. Oui, on aime vraiment ça. Ça fait du bien jouer dans ton lit. Mais jouer à l'horizontale, là, c'est important. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, pour la Wii U aussi, tu sais, je me suis racheté Darksiders 2. Il était en vente sur le eShop à 20$ pendant comme une fin de semaine. Mm-hmm. Checkez ça, le eShop. Nintendo sont pas forts à la promotion, mais tabarnouche, des fois, il arrive des petits deals de même. Faut que tu regardes dans le eShop. T'es comme, ah, OK, coudon, tout d'un coup, ce jeu-là est 15$. Ouais. Là, tu l'achètes, puis ah ouais, t'es bien content. C'est puis, vrai. J'ai Darksiders 2, c'est le fun parce que c'était un jeu qui est quand même assez long, tout ça. J'avais pas eu le temps de le terminer au complet comme je voulais. T'avais beaucoup aimé ça, par exemple. J'ai adoré ce jeu-là. C'est vraiment excellent. Mais je l'ai vendu, tu sais, puis j'avais fini avec. Puis j'étais comme, ah, oh, je le vends. Qui mange la merde qui est chien. Qui mange la merde qui est chien. Comme dirait Jules Prou. Hey, je pense que je l'ai son là en plus. Ah, tu l'as-tu? Hein? Ouais, j'ai dit ça ici. Wow. Qui mange de la colisse de merde, tu sais. Qui a chier, qui mange la merde, qui mange la merde, qui a chier. Je l'utilise pour la soirée du podcast. Ah, oui. Ben, on va l'utiliser nous autres avec. Mais exactement, le Remote Play, c'est génial. Puis sur la Wii aussi, des fois, même là, on a l'écoute de quoi. Ou on écoute de quoi ensemble, puis on n'est pas trop concentré. T'sais, on file un peu smooth, ça ne tente pas trop. On check nos affaires. Puis là, moi, je me mets à jouer une petite game, puis je dérange personne. C'est tellement plaisant, man. Ben oui. Ça, là, c'est magnifique, le Remote Play. Ça te permet de continuer tes games de grosses consoles. Oui, exact. Ça t'ouvre tout un autre univers. C'est ça. Puis là, cette semaine, il y a aussi, encore une fois, quelqu'un sur Twitter qui m'a dit « Hey, mais tu peux jouer à tes jeux de Wii sur le gamepad, mais avec des manettes de Wii. » Fait que là, ça s'en vient compliqué. Okay, ouais, c'est comme ton gamepad te sert de TV. Exact. Puis là, tu joues à des jeux de Wii là-dessus. Ouais. Fait que c'est mais ça. Des jeux de Wii, attends, pas avec le nunchuck pis tout, là. Check bien ça, man. C'est complexe parce que moi, je pensais que finalement, tu jouais à tes jeux de Wii sur ton gamepad. Non, ça marche pas. L'affaire que ça a fait, c'est qu'ils ont fait un update. Puis là, maintenant, tu peux mettre ton gamepad, mettons, à terre. Ouais. Ça fait office de TV puis de sensor bar. Ah, ça marche, le sensor bar? Le sensor bar marche dessus. Puis là, t'es avec ton nunchuck puis ta Wiimote en train de jouer à Mario Galaxy sur ton petit écran. Ben oui, c'est ça. C'est gosseux, mais c'est cool quand même. Tu sais, parce que c'est ça, je dis, c'est donc ben hot, je ferais jamais ça. C'est un début de... Non, mais c'est un début dans bonne direction parce que sérieusement, ça ouvre l'option d'amener ça en camping puis de faire chier tes parents quand ils veulent te regarder le beau paysage. Mais t'as pas besoin d'avoir ta Wii U. Ça te prend ta Wii U aussi. Ben, ça te prend ta Wii U, sauf que ce qui est génial, la Wii U, t'as pas besoin de traîner. En fond, tout ça, t'as pas besoin de traîner de TV. Tu traînes pas de TV, c'est ça. Fait que c'est comme la meilleure console de salon dans un sens. Ouais, mais tu peux pas mettre ça dans le char, là. Toi, tu parles de paysage. Ben oui, mais hey, il y a beaucoup de chars maintenant qui ont des plugs à l'intérieur. Ben, pas des plugs de mur, là. Man, tu plugs ça sur le 120. Moi, j'en ai une dans mon char, il est même pas récent. Voyons. Oui, 120 volts. T'as ça en avant, tu plugs ça dans le char en avant. Dans le lighter? GF, je suis certain qu'il y en a une. Moi, j'ai un convertisseur. J'ai un charneux, je vais avoir ça. Tu plugs dans le truc à cigarette, là, dans le lighter, puis tu peux avoir une plug. Ben, moi, j'ai une plug direct à deux pins. Hey, moi, j'ai une plug USB dans mon char. Ben, si, monac. Ah, ben, Chris, je viens juste de m'acheter une Civic de l'année. Je m'en ai roulé dans le fleuve. Pas besoin de ça. Mets une brique sur ça. Non, c'est ça. C'est comme dans The Crew. C'est le temps. mais c'est ça. Bref, c'est un peu gosseux comme truc, mais coudonc, c'est quand même assez génial. C'est très cool. C'est très cool que Nintendo pense à ça. J'ai juste hâte. Je me dis, il doit bien avoir une façon, un workaround de faire. Ben, tu peux jouer à des jeux de Wii sur ton gamepad, tu sais. Direct. Ça manque, là. Ça serait tellement fun. Mais tu sais, ceux-là qui prennent un nunchuck, ça va être compliqué. Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, mon rêve le plus profond, c'est qu'il y ait enfin une offre pour Galaxy 1 et 2, mais avec des contrôles plus classiques. T'sais. Ouais. Je sais que c'est impossible parce qu'il y a des parties du jeu où t'as besoin d'un pointeur. Ah, exact. Fait que... Oublie ça, man. Arrête. Lâche prise. Fais d'autres choses. Ouais, fais d'autres choses. Puis, dernier petit quickie, j'ai essayé le bêta de PlayStation Now, qui est le service de location de jeux en streaming de PlayStation. OK. Combien ça coûte, louer une cassette? Louer une cassette, man, c'est cher, OK? Parce que tu peux la louer pour 3 heures. Ça dépend, ça varie des jeux. Mais il y a une offre pour 3 heures, ça te coûte 4,99. Ben voyons, calisse. Pour une journée, je pense, c'est 7,99. pour 15 jours, c'est 15,99. Puis pour 15 jours? Non, un mois, c'est 15,99. Puis 3 mois, c'est 29,99. Mais mettons, puis ça, je te donne un exemple. Là. Des fois, ça varie. T'sais. Peux-tu louer le gros dernier jeu qui vient de sortir à 15$ pour un mois? Jusqu'à date, non. Jusqu'à date, c'est tous des jeux de PS3 qui sont en streaming. Puis il y a bien des jeux que c'est des jeux comme ordinaires. C'est bien de la merde, ça. Fait que c'est bien. Tu les achètes tant qu'à ça. Ben, c'est ça. Puis c'est avoir que... la paix d'esprit. C'est ça. La plupart de ces jeux-là peuvent se trouver dans une bin pas mal moins cher que 30$ pour l'avoir 3 mois. Tu peux l'avoir pour ta vie. Moi, c'est pas juste ça, c'est le stress. T'sais. C'est comme, ah, merde, je rentabiliserai pas mon 15$. Là, ah ben, je vais me reprendre une semaine de plus, envoyer un 5$, tu sais, puis là, finalement, tu payes ton jeu, man. Ça non, rien, c'est ça. C'est que moi, je suis d'accord avec le service, si, admettons, tu sais, une location d'une fin de semaine, un jeu que tu sais, tu veux l'essayer, oh, mettons. Ouais. Tu veux l'essayer. Et des démos, ça existe quasiment plus. Il n'y en a pratiquement jamais. Fait que là, tu te dis. Mais ben, moi, 7$ pour deux jours, man. Comme dans le temps, ça le ferait, là, tu sais. Moi, ça le ferait, c'est ça, tu sais. Mais ça me semble plus cher. Mais non, mais c'est ça. C'est le prix, on n'est pas là encore. Ça marche pas. Ouais. Sony a dit que c'était pas nécessairement ça le prix. Fait que, disons que c'est correct. T'sais, si c'est pas ça le prix puis qu'ils descendent un peu, moi je suis d'accord. Si c'est un abonnement, je suis encore plus d'accord puis ça va être le fun. Sauf que jusqu'à date, c'est juste des jeux de PS3. T'sais. Fait que, encore là, on s'achète toutes des consoles next-gen. Ça va être pour la rétrocompatibilité. À quel point c'est intéressant sur PS4, je le sais pas. Ouais. Mais sur PS Vita, par exemple, c'est très intéressant. Parce que là, ça ouvre une tonne de jeux d'une shot que c'était impossible de jouer sur une console portable. Fait que ça, c'est intéressant quand même. Puis tu peux jouer en remote play via un bon Wi-Fi. Maintenant, est-ce que ça fonctionne bien en Wi-Fi? Moi, ça fonctionne très bien. J'ai essayé Deus Ex. Ça a bien fonctionné. J'ai essayé aussi, c'est lequel que j'ai joué? J'ai joué à un jeu de char qui venait justement gratuit parce qu'il y en avait des gratuits, il y en avait des payants. Okay. Fait que Deus Ex, je l'ai essayé. Ça jouait quand même assez bien, sauf que je sentais quand même un léger ralentissement. Pas grand-chose, mais quand même, tu sentais que c'était pas à pleine capacité. Des fois, tu voyais que le signal baissait un peu. Mais toi, là, qui es un grand fan du PlayStation Plus, là, ouais. Tu n'irais pas chercher ton besoin dans le PlayStation Plus avant tout, puis ça, c'est vraiment comme un dernier recours? Ça dépend. Moi, PlayStation Plus, on donne tellement d'affaires que j'aurais même pas le temps de finir tous ces jeux-là. T'sais. Non, ça, c'est bien certain, sauf que PlayStation... Puis c'est gratuit, puis c'est des peanuts. T'sais. C'est ça. Sauf que en même temps, PlayStation Now, ce que, ça offre, c'est eux autres qui ont vraiment... Comme ils ont dit au E3, qui ouvre vraiment là, la librairie au grand complet, là, que c'est pas de trentaine de jeux. Tout est là, là. Moi, ça me ferait triper en sacrifice. Ouais, parce ça, que, c'est admettons, là, tantôt, j'ai parlé de 3D Game Heroes. Là. Mm-hmm. Ce jeu-là n'est pas trouvable. T'sais, j'ai bien de la misère à le retrouver usagé. Puis j'avais commencé à le faire, ce jeu-là. J'avais bien du fun avec. Là, je le trouve plus. Fait que là, je me dis, ben. Si j'avais la chance là, de louer pour un mois, puis qu'après ça, on me dirait, ben. Regarde, si tu le trouves encore intéressant, ben reloue-les, puis ta game est sauvée sur ta console anyway. Moi, ça me parle, là, ça marche au bout. Pis... Non, mais ça te coûte cher, là. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, je trouve que ça devrait être comme les locations de char, en fait. C'est que tu le loues, puis si tu l'aimes, paye la différence, puis là, il est à toi. Ouais. Tu sais, mais. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, tu sais, puis à la place, tu download quelque chose, puis. Mais je pense pas que ça va marcher. Ça, c'est une technologie pour justement qu'il n'y ait pas de copie. By the way, je loue un char présentement. Physique, comme tu parlais, ouais. Si je le roule pas dans le fleuve, là, j'ai un contrat de 4, j'ai un contrat de 4 ans et j'ai aucunement l'intention de le garder après. Ouais, là, c'est ça. Fait que je sais pas, les jeux, ça ferait peut-être la même affaire. Non, là, c'est ça. Mais c'est, en fait, le service fonctionne. Ça un char de 20 000 piastres, un jeu de 15 piastres. Même combat. La même affaire. Pareil. Ben le streaming, ça fonctionne quand même bien, puis mon signal, il est pas si fort que ça. Ouais. Fait que je pense que c'est réalisable, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de savoir que le gaming en streaming, c'est possible. Le cloud gaming, c'est possible. C'est possible au Canada aussi, avec nos standards d'Internet. Sauf que je pense que ça va peut-être être préférable pour certains jeux plus que d'autres, t'sais. Comme mon Deus Ex que je te parle tantôt. Ouais. Ben, il répondait pas... Ça prendrait des jeux un petit peu plus légers. C'est ça, tu sais. Je pense pas que je jouerais à un fighter là-dessus, là. Vraiment ouais, ouais. Pas. Surtout que des fois, tu peux le perdre, ton signal, tu sais. Ouais. Parce que c'est l'émulation, dans un sens, tu sais. Tout ça est comme... Je sais pas. Tu sais, c'est le cloud gaming, fait que tu sais, t'as pas une copie physique, t'as pas quelque chose qui roule dans ta machine, c'est ouais, juste ouais, comme c'est un, ça. Un flux continu. C'est comme si tu regardais une vidéo sur YouTube, là, le fameux moment où tu dis à tout le monde au bureau, « Hey, venez voir ça, c'est drôle en sacrifice. Attends un peu. Ah, mais c'est vraiment drôle. Attends un peu. Là, ça va jouer. » Mais tu sais, c'est ça. Tout c'est ça un consomme peu ça, du bandwidth. Oui, ça consomme du bandwidth. Mais ça, c'est dégueulasse. Je sais pas jusqu'à certains points. Tu peux péter tes affaires à tour de bras puis tu payes l'extra Vidéotron en plus. Ça dépend si tu as illimité. Les gens qui ont une console next-gen maintenant, ils ont tout illimité. Là. Comme toi, moi, je l'ai illimité chez nous. Ça doit coûter cher, ça. 10$ de plus. Okay. 10$ de plus par mois en Vidéotron, puis tu as illimité. Ah, je savais pas incroyable. Ça. Incroyable. Ils ont vu une pub pour Vidéotron. Hashtag ouais, Vidéotron illimité. Paye tout le temps, calice. Putain, cette année, man. C'est ce qu'on paye. On peut pas vivre sans payer, sans arrêt, man. C'est impossible. Je capote. Fais rien que payer. Check ça, là, toute cette affaire-là, ouais, ici, là, ton paye, kingdom. Paye, là. Hein. Faut que tu le payes, ton royaume, mon gars. Ah, je le paye, esti. Je le paye, esti. En tout cas. Fait quand, ouais, man, pitch donc musique. Ouais, ouais, les on s'en gens va, relaxent attends, avec attends, la bonne musique là, qui va nous c'est de la bannir bonne musique de YouTube. Non, on doit être correct, c'est du rétro. Là. Ouais, ouais. Ben, attends, c'est une toune de Shovel Knight. Ça va passer. C'est, le soundtrack est gratuit. On va checker. On va ça voir. On va voir, en tout cas. On va voir. La toune part. C'est en fait la toune High Above the Land. Il me semble que c'est la toune du niveau de Propeller Knight. J'aime ouais beaucoup. Alors, on s'en va écouter ça dès maintenant. On s'en va, on salue les gens qui magasinent des pelles chez Canadian Tire. Oui. bien, juste bien. Ah oui, c'est propre. Pour se détendre pour la troisième partie. Là, c'est une petite discussion, Bruno. Oui. Sur quoi? Là, revenez à Short and Sweet sur le fait que, justement, un peu ce que j'ai dit plus tôt dans l'émission, que Sony, il y avait eu une discussion, une entrevue avec le chef de Sony qui disait, ben, tu sais, la PS Vita, ben, on va se concentrer sur la PS4, puis ouais. La PS Vita, ben là, on va faire des jeux, mais ça sera pas des jeux de Sony, ça va être les jeux des third party. Puis les indépendants soutiennent tellement bien cette console-là. C'est comme devenu la console des indépendants, tu sais. Ouais. Fait que là, il y en a pas assez encore des indépendants, à mon goût, man. Moi, je voudrais que toute Steam soit disponible sur Vita. Sacrifice sur Vita, sérieusement, là. Ben, il y a bien de la marde, là. Quand mais tu regardes ce qui s'en vient aussi, là, il y en a vraiment beaucoup. Parce que mais moi, je veux jouer à Samurai Gun puis à Broforce, puis ouais, ils les pas. Ça s'en vient. Sont toutes dans la liste de 2014. Ah, OK, c'est bon. Toutes pensent à un indépendant, là, il est sur Vita cette année, là. Ils sont toutes là, ils ont toutes raflé, tu sais. C'est bon, ça. Fait que Mercenary Kings. Oui, Mercenary Kings va être là-dessus. T'sais, OK, c'est juste que ça prend un peu plus de temps. C'est ça, exact. D'accord. Puis eux autres aussi, Sony, ont quand même l'idée brillante de tout le temps avoir un flux continu de jeux. Mm-hmm. Tu as tout le temps de quoi. Toutes les semaines, tu as quelque chose à te mettre sous la dent. Contrairement à Nintendo, que présentement, probablement que le plus grand jeu qui sort de la semaine, ben c'est un espèce de brick breaker un peu cheat, tu sais. Ouais, non, il y a bien de la merde. On dirait un flash game, tu sais. Exact. Tu sais, c'est pas terrible, tu sais. Puis ce que je voulais amener là-dessus comme question, c'est est-ce qu'il y a un avenir pour les consoles portables? Parce que j'ai l'impression que les des deux côtés, autant du côté de Sony que du côté de Nintendo, on les laisse de côté un peu plus. Tu sais, on fait des jeux AAA qui sont bons, qui sont vraiment solides, mais on les sort de façon de plus en plus espacée. Nintendo semble quand même vouloir moins ralentir que Sony là-dessus. Ben, la 3DS marche à fond au Japon. C'est ça. Mais Nintendo, ils sortent quand même toujours leurs gros jeux puis leurs gros trucs sur la 3DS tout le temps. C'est ça. Ouais, pas mal tout le temps. Sauf que je trouve qu'il n'y a pas autant de jeux qu'avant. Tu sais, la 3DS, là, comparée à la DS, là, il y avait plein de jeux bizarres. Tu sais, tantôt, tu parlais de Ninja Town puis tout ça. Ouais, il y en avait plein. Là, les jeux physiques. T'avais tout le temps quelque chose, des jeux physiques. Là, il y en avait vraiment beaucoup. Là. D'ailleurs, tu vas dans un magasin puis tu checkes dans la fameuse bin à 15$. Là, il y en a de la DS, là, c'est incroyable. Pis dans la là. Bin à 5$ aussi, il y en a de la mort. Il y en a de la mort, tu sais. Il y a ça, puis même la PSP aussi, qui est avant la PS Vita. Il y a pas mal de stock, tu sais. Puis là, je sais pas, tu sais, quand tu regardes tout le contenu, présentement, dans les copies physiques, il y a plus grand, il y a de moins en moins de jeux. Les sorties sont de plus en plus espacées, même s'il y en a, puis même si Nintendo en sort quand même pas pire, t'as pas deux jeux par mois. Des fois, t'as même pas un jeu par mois. Non, c'est ça. C'est vraiment un par mois et demi, quasiment. C'est ça. Des gros, là. Fait que, tu sais, c'est de plus en plus passé. Fait que moi, je me dis, bon, c'est-tu à cause qu'on s'en va tout digital? Visiblement, non, parce que c'est pas des jeux de la même qualité qui sortent tout le temps. Tu sais, comme la Vita, là, ça a l'air d'être la console pour les indépendants, ce qui est un peu ridicule à mon avis parce que c'est une console qui te coûte 400$, qui est supposée te donner une expérience de salon, tu sais, puis finalement, ben, tu vas juste jouer à des jeux indépendants. J'ai rien contre les jeux indépendants, j'adore ça. Tu l'as acheté tout de suite en partant. Là, mais c'est ça, je l'ai acheté tout de suite en partant. Ça fait longtemps que tu l'as. C'est ça, ça fait longtemps que je l'ai. Sauf qu'en même temps, je me dis, tu sais, c'est comme si tu t'achètes une Ferrari pour te promener au centre-ville. Là, pour te promener dans le stationnement du 10 Exactement. Au moins, tu flashes, mais tu peux pas aller vite. C'est ça. Mais c'est un peu ça aussi, la PS Vita, présentement. Tu flashes, mais tu vas pas vite. La 3DS, tu as de la 3D dessus, mais tout le monde la met à off. Ouais. Fait que, ben, pas moi, par exemple. Ben, mais, non, mais la 3D, on s'en crisse. Là, on s'en sac. C'est pas ça c'est qui fait la c'est console. C'est pas ça qui fait la console du tout. Tu sais, puis on s'entend aussi que ça, c'est comme une prise 120 dans ton char. Bon, ça c'est pas nécessaire. Je vais aller annuler ma location. Là. Mais tu sais, malgré le fait qu'il y a des briques en arrière et de la corde, tu veux rouler ton char dans le fleuve, toi aussi. On peut se faire un deal à deux en même temps, si c'est le projet à soir. Mais tu sais, même si la 3DS, il y a plus de polygones puis tout, tu sais. Ouais. J'ai quand même encore l'impression de jouer à un des jeux de DS. T'sais, j'ai pas cette vision-là d'une console qui est si avancée que ça par rapport à l'ancienne. T'sais, quand tu regardes des jeux comme justement, tu regardes Kid Icarus, ouais. Là, tu fais comme « Oh, OK, il y a quoi de différent? » Ouais. Mais justement, c'était hot. T'sais, là, ce qui sort, c'est tous des jeux 2D, c'est tous des platformers 2D. Il n'y a rien de vraiment impressionnant par rapport à ce que la console est capable de faire. Fait que je me dis, c'est-tu eux autres qui juste comme « fuck it », on baisse les bras, les gens aiment les 2D platformers ou... Peut-être ça dans le cas de Sony, je sais pas, mais moi, je suis pas un fan. Nintendo aussi sont rendus 2D platformers à fond parce que ça coûte moins cher à faire. Ouais, mais comme quoi, tu sais, moi... Kirby? Ouais, le dernier Kirby, c'est un 2D platformer. Ouais. Le prochain Yoshi... Ben, Kirby, c'est tout le temps 2D. Ouais, Yoshi aussi, c'est un 2D platformer. Mario, ouais. 2D platformer. Ah hein? Ben Mario, ouais. New Super Mario, je sais pas quoi. New Super Mario, mais ben, Super si tu Mario regardes... 3D Land, mettons, ouais. Ça, c'en était un. Ouais. Zelda, Link Between Worlds. Ouais, Link ça. Between Worlds, c'est comme un jeu 2D aussi. T'as pas besoin d'avoir ben du horsepower pour faire ça, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'est... Mais c'était bon, c'était beau, ouais, non, c'était unique à la 3DS. C'est des super bons jeux, mais c'est pas ça mon point, en fait. C'est que c'est des super bons jeux, mais c'est pas des jeux... Tu dis pas nécessairement... Le jeu de la machine. Ouais, c'est ça. Tu dis pas nécessairement que t'as besoin d'avoir une 3DS pour jouer à ça. Mm-hmm. Tu sais, tu te dis, ben, ce jeu-là, moi, je le verrais sur DS, tu sais. J'aurais aucun problème à ça. La PS Vita, même affaire, là, tu sais, je veux dire, je suis capable de jouer à Guacamelee sur une console bien moins performante que ça, il me semble. Ah ouais, bon, ça, c'est effectivement. Mais, t'sais, moi, au niveau de la Vita, je suis un peu moins ferré, là, je te dirais, en jeu 3D full party. Ouais. Mais sinon, la dernière chose que j'ai joué, c'était Batman, ouais. Blackgate. Puis ça, c'était beau. Ouais, sa Vita, c'était hot. Puis c'était. Mais quoi d'autre? Gravity Rush, ça, c'en était un. Oui, qui était excellent, mais c'était un jeu de quasiment de lancement. Ouais. Puis là, je suis en train de jouer à One Piece, puis c'est vraiment cool. Puis tu vois qu'eux autres, ben c'est un jeu japonais, mais qui va fonctionner quand même en Amérique du Nord. Fait que dans le fond, la question, est-ce qu'il va avoir genre une 4DS, puis une PS Vita 2? Tu sais, ça va-tu se rendre plus loin où finalement on va faire comme Nintendo, on va faire ben on est désolé, on s'est trompé, on sort une version de la 3DS, tu sais, ça fait un peu comme un step en arrière, mais quand tu regardes la raison, c'est logique, tu sais, mm-hmm. parce que les gens la 3D ils ont juste fait ben tu sais, c'est pas nécessaire, c'est le fun, mais c'est pas nécessaire, c'est pas ça qui va faire que ton jeu va être si différent que ça. Ben, moi la 2DS je la trouve laite en crisse, mais elle est fun en tabarnouche, mon gars. La prise en main est écœurante. La prise en main est excellente, cette machine là mais je l'aime, moi, cette machine là mais moi je trouve, pour parler de jeux portables, ouais, je sais pas toi, mais avant, dans nos vidéos, on faisait aussi des critiques beaucoup de jeux iOS. Ouais. Là, moi, j'en achète plus de jeux iOS. Non, moi non plus. Mais plus pas en tout, sérieux. Puis je saurais même pas quoi acheter si je voulais m'en pogner un. Je sais plus qu'est-ce qui est hot, tu sais. Je sais. Avant, je checkais ça plus, puis j'en achetais, puis je m'essayais. À cette heure, j'essaye jamais, là. Ouais. Puis avant, je jouais tout le temps sur mon téléphone quand il fallait que je prenne le métro ou whatever. Puis à cette heure, non, je traîne mes consoles portables maintenant parce que on dirait que ça a été bien hot, ça, les jeux de téléphone. Puis à cette heure, on dirait qu'il y a tellement de marde, puis tellement de stock. Il y en a pas mal. Il y en a trop. Fait que, en tout cas, ça, c'est comme à l'avantage des consoles portables. Je trouve que le hype soit passé un petit peu au niveau des jeux iOS, là. Il est peut-être pas passé. Peut-être que c'est juste moi qui est bad à cette heure, je m'en fous. Mais je sais pas. Il est pas si passé, mais je te dirais qu'on dirait un peu qu'on a fait le tour en même temps des idées qu'ils peuvent avoir là-dessus. C'est voyons. Des jeux qui sortent vraiment du le jeu de Kim Kardashian. Ouais. Hey, 2 millions de ventes. Le jeu. Ah, ça, c'est honteux. C'est ça, un autre ça, sujet c'est de... aussi. Ouais, je parle d'autres sujets. On va parler longtemps là-dessus. Mais en tout cas, le débat a déjà été existant au niveau est-ce que les jeux iOS vont remplacer les jeux de console portable. Puis moi, je trouve que non, puis jamais, puis ça arrivera jamais. Je pense que ça remplacera pas, mais moi, je pense que ça. Je pense que ça les remplacera pas, mais je pense que peut-être ça peut arriver un jour qu'on vive dans un monde où il n'y a plus de consoles portables, puis il y a juste les téléphones cellulaires. puis dans le sens que... Ouais, mais ça me prend des pitons puis un joystick. Moi avec, mais les gens les délaissent. Les gamers les délaissent pas. Ben, il y en a de moins en moins, man. Moi, je prends le métro puis l'autobus à tous les jours depuis tellement longtemps, puis je voyais beaucoup de monde, tu sais, avec des 3DS, avec des Vita, avec des PSP, avec des DS, puis tu t'en voyais là, vraiment beaucoup, puis... Là, t'en vois moins, de moins, de moins, de moins, de moins en moins. Ouais. Il y en a vraiment moins maintenant. T'sais, un moment donné, là, dans l'autobus, là, levez les yeux et regardez autour de vous autres. Ah, c'est rare qu'on en voit. C'est rare. C'est souvent le seul. C'est vraiment rare. T'sais. Hey, l'autre fois, il est arrivé, une parenthèse de quoi de très cool. Ouais. Par exemple, j'avais amené ma Game Boy Advance SP avec un flap, puis je jouais un vieux jeu de Game Boy, whatever. Il y avait un gars qui avait... Il y en avait une, lui, avec. Genre, juste à côté de moi. Mais... Avez-vous sorti un Link Cable? j'avais vraiment envie de demander à quoi il jouait. J'ai pas réussi à voir, là, t'sais, mais je pense qu'il jouait un jeu de Game Boy Advance, par exemple. Là, je me dis « Wow! » C'est quoi les odds, tu sais, c'est quasiment impossible que deux gars jouent au Game Boy Advance SP dans le même wagon de métro la même journée là, tu sais. Ça m'a épaté ben raide. J'avais quasiment envie de dire "Hey man, tu sais, cool là, les deux on est dans la même affaire. Hey, t'aimes ça? High five. Tiens, voilà une carte d'affaires, viens voir papa cassette." En tout cas, mais effectivement, mais il y en a de moins en moins. Fait que moi je pense que c'est quelque chose qui mais moi je joue chez nous. Condamné à mourir. Il y a du monde qui sont vraiment comme jamais je vais jouer une console portable chez nous. Des TV, je veux des consoles. Mais j'aime jouer ça. Jouer à l'horizontale, man. Ouais, c'est dans ça. Dans un lit. Ben, même à ça, tu sais, même si j'ai tout ce qu'il me faut chez nous, moi, j'aime ça jouer à Ninja Town présentement. Fait que je m'en crisse, man. Je joue sur mon DS, mais assis dans le salon, là, tu sais. Ça me plaît beaucoup, beaucoup de faire ça, là. Ben, c'est qu'en fait, les gens voient pas le parallèle, mais c'est comme un livre. Ouais. C'est la même affaire, c'est la même expérience. T'as comme une proximité que tu peux pas avoir quand tu regardes un écran ou quand tu joues sur une console de salon, puis ça change l'expérience aussi. Là. Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est facile. Là, présentement, sur ma table de nuit, Ninja Town dort, tu sais. Ouais. Puis tantôt, là, si ça me tente de jouer, je l'ouvre, puis je continue de rester là, tu sais. C'est ça. Ou demain matin, je vais chier, mettons. Puis là, ça presse parce qu'il faut préparer les enfants, mettre la crème solaire, tout le kit. Là, je me dis, faudrait que je chie, mais faudrait pas que ça soit trop long, tu sais, les enfants, c'est ce que ça fait. Ah, j'ai quand même le temps de jouer un petit peu à Ninja Town sa toilette. Fait que là, flac, tu l'ouvres. Puis tu continues, puis tu fais un petit 5 minutes, tu refermes. T'sais. Moi, ce que j'aime des consoles portables, c'est facile. Ouais. Surtout si vous avez des enfants, vous allez remarquer, tu veux gamer, mais tu n'as jamais le temps de te brancher sa TV parce que quand ils dorment, ils rentrent du tard. Exact. Il faut que tu bootes. Enfin, c'est ça. Oui, il faut que tu bootes, tu fasses les updates, toute la balance. Fait que... moi, les consoles portables ont remonté dans mon gaming, dans le fond. Depuis que j'ai des enfants, je joue beaucoup. Là, je trouve ça bien pratique. Mais moi, ça me dérange pas, tu sais, que ça soit moins beau, moins performant parce que c'est portable. Puis, tu sais, ben, vu que je suis rétro pas mal, tu sais, comme la puissance et la beauté de ce à quoi je joue, ça m'importe peu, là, du moment que ça fonctionne bien. Fait que moi, ça fait mon affaire, là, tu sais. Mais moi, c'est parce qu'en fait aussi, je me souviens que, voilà une couple d'années, mon rêve, c'était qu'à un moment donné, on aurait des consoles portable, puis qu'il y aurait des jeux dans le passé, comme mettons, moi, la 3DS, en fait, je pensais que ce qui allait sortir, quand il allait sortir la 3DS, j'ai fait comme cool, là-dessus, il va avoir le Virtual Console, puis on va pouvoir jouer à des jeux de GameCube, tu sais, sur notre 3DS. Pis c'était ça mon rêve, je me disais, tu sais, le catalogue, je vais pouvoir y jouer sur une console portable, ça va être tellement parfait. Mais ça n'a jamais fait ça. C'est jamais arrivé. Exact. Je comprends pas pourquoi c'est jamais arrivé. Moi, la 3DS, je me suis dit, wow, enfin, voilà l'occasion de débloquer toute la librairie de la Virtual Boy, man, parce qu'il y a de la profondeur, puis il y a du 3D, puis ça marche, puis c'est sûr que ça va marcher, puis c'est parfait. Ouais. Ils n'en ont pas fait un Chris, man. Ça serait trop hot, là, puis il y en a quoi, jeux de Virtual Boy, je me rappelle plus, il y en a genre 20, là, tu sais, ça serait pas long, là, de faire la librairie. Au complet, juste Wario au pire. Ouais. Mais non, ils n'ont jamais même essayé. Là, fait que nous autres, on pense que ça se fait tout seul aussi. Débloque toute la librairie. Ouais, là, c'est ça. Non, mais ça se fait pas. C'est si sûr que c'est compliqué. Puis ça doit pas être rentable pour eux autres de toute façon. Faut que tu recodes les jeux aussi à un minimum. Ouais. Là, parce que faut que tu portes ce nouveau système qui le supporte. Fait que c'est plus long là, aussi. Puis j'ai pas l'impression que les compagnies veulent investir dans ça. Non, c'est ça le problème. Dans ça, là. Non, c'est mais ça. C'est dommage. Tu vois beaucoup de consoles portables hackées, comme justement du monde qui font un Super Nintendo portable ou un si portable ou un ça portable. Ah, mais ces gens-là, tu les engages, tu les amènes dans la compagnie. C'est vrai, mais c'est ça. Totalement. Mais dis, si ça se fait, pourquoi pas? T'sais, pourquoi Nintendo pourrait pas sortir une affaire? Garde, ça s'appelle le le Cubex ou une affaire de même, ouais. Un nom bâtard. Puis tu peux mettre des disques de GameCube dedans, ça serait hot. Mais tu peux aussi le plugger en USB sur ton ordinateur ou sur ta Wii U pour downloader des affaires du Virtual Console. Nintendo devrait racheter tout ça, devrait racheter Hyperkin, puis faire genre le Cubex, puis le NES Plus, puis le Super NES Power, tu sais. Une console. Vos cassettes puis vos affaires dedans. Exact. C'est parce que ça existe déjà, mais ça fait... Ouais, mais c'est pas... C'est ils n'ont pas, pas le budget. Ben, c'est légal parce qu'Hyperkin, ils en vendent, mais c'est pas... Il y a moins de moyens que Nintendo, mettons, pour faire un appareil de qualité. Là, ça. Mais ça serait très cool, par exemple. Ça serait vraiment cool. Fait que, en tout cas, on espère qu'ils nous écoutent puis que, à c'est cause que nous autres, on en parle, ils vont le sortir. Hey, Nintendo, vous nous avez coupé notre stream tantôt. C'est sûr qu'ils nous écoutent. Reprenez-vous, là. Ah, voyez. Ouais. Sortez ça, là. Puis Sony, ben Sony nous écoute pas. Je pense pas qu'ils nous écoutent, je pense qu'ils sont très loin. Mais c'est ça. J'adore mes consoles portables. Moi aussi. Un gars qui trippe portable au bout. Moi avec. Je veux pas que ça arrête. Je veux que ça devienne plus gros. Je sais pas si ça va venir plus gros, mais je pense pas que ça va arrêter tout de suite. En tout cas, si ça a à mourir, c'est pas le moment, là, je dirais. Oui, tu sais quoi, regarde là, on est en 2014, je dis qu'en 2017, tout est fini. Dans niveau, 3 ans. Niveau console portable. Ouais. C'est fini, là. Genre, il n'y a pas de nouvelle console portable. Puis ça va être un nouveau cossin où, admettons, les consoles portables vont juste s'abaisser au téléphone, au téléphone intelligent. Puis vont faire comme, ben maintenant, vous pouvez jouer à tout le contenu de notre. Sur vos téléphones. Ah. Puis voilà un gadget pour faire une manette avec. Puis that's it. 3 ans. Mais c'est parce que dans 3 ans, ça va être le temps que je m'achète une Wii U, je pense, dans 3 ans. Je devrais être rendu là. La PS4 va descendre dans 3 ans. Ça devrait. Là. Ça devrait être rétro dans 3 ans. Exact. Ça va me permettre. Moi, je vais dire l'inverse de toi, Bruno. Dans 3 ans, Steam vont sortir une console portable avec accès à tous leurs jeux. Ah, ça, là. J'achèterais ça. Ça, c'est une fortune à faire ça. Ben, la Steam Box, là, c'est pas supposé se faire, ça. Oui, mais ça se fait. Mais c'est un PC, puis ça coûte 500. Ça se fait, mais il y a aussi le Nvidia. Je me souviens plus, je pense que c'est N-Cage. Ça aussi, c'est un peu ça. C'est jouer à des jeux de PC sur console portable, mais ça coûte une fortune acheter ça. Tu montes un petit PC, tu le plugues sur ton ordi, puis tu joues à Steam dans ton ordi. Là, ils ont une feature Big Picture là, que tu peux mettre dans un écran, plein écran Steam. C'est parfait pour jouer sur la TV. Regarde, en tout cas, moi, je dis 2017. Dans 3 ans. Dans 3 ans, il va se passer de quoi par rapport à ma location de voiture va juste rester un an. On va décider si je la garde ou non. Si je la garde pas, je vais peut-être m'acheter un Wii U. Exact. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est plate et lui, il a une 3DS puis une Vita puis il sort jamais de chez eux avec ses consoles en public parce qu'il a peur de se faire juger. Ben, avez-vous peur de la réaction du monde de vous voir en train de jouer? Ben, tu ris, là, mais moi, ça me préoccupait un peu quand même. Ah ouais? Ben, moi, j'avais peur de me faire les poches puis de me faire voler ma Vita. Mais moi, ça m'a jamais fait peur, mais tout est un tough. Mais bizarrement, personne n'a de problème à jouer sur un iPhone dans le métro. C'est vrai. Ouais, ben ça c'est des casuals, tu sais. C'est pas des gamers tant que ça. Si t'es gamer puis tu joues à une console, moi, je m'en sac. Tu te dis, le monde va voir que je suis gamer puis ils vont penser que je suis un cave de gamer. Tu sais, parce que quand même, je trouve qu'il y a des préjugés envers les gamers. Oui, il y a des préjugés, mais justement, si on sort toutes nos consoles à un moment donné, il n'y en aura pas de préjugés. On va faire un défilé, man. Ouais, on sort toutes nos consoles dans la rue. La fierté gamer. Fierté gay. Exactement. C'est-tu que ça serait On va sortir la fierté gamer. Ça serait excellent, la fierté gamer. Moi, je veux mon char allégorique. Ben oui, c'est clair. Il nous en faut un de rétro nouveau, là. Hey, oui, ça, avec plein de Doritos, mon gars, dans des canons. Des canons qui tirent des Doritos sur le monde. Ouais. Pouf, des pluies de Doritos. Le lendemain matin, ça sent le fromage pourri partout. Ah ouais, ça, on fait la rétro une journal nouveau, en prison. C'est à cause de la fierté gamer. Ça ne fait pas peur, la prison, nous autres. On est déjà allé en prison, on n'a pas peur de ça en Christ. C'est vrai, on l'a déjà fait. Nu complète. Nu complète, gros mot, là. C'est pas tout à fait nu complète, je crois. Ouais, c'est une nuit écourtée, disons. En effet. C'était superbe le lendemain dans la douche, tout le monde ensemble. C'était magique. Il y avait quand même des portes pour nous séparer, mais on pouvait voir des battes si on s'attardait. Pour les amateurs de battre, là, à Ottawa, dormir en prison. Ouais, c'est proche de la vraie expérience. J'avais pas parlé de bat encore. Non, c'est ça. Il se fait tard pour parler de bat. Hein. Ah, d'habitude, tu fais ça plus tôt dans la vidéo. Ah, non, je sais. Ben là, je cherchais le bon moment. Ben oui. C'est ça qui est arrivé. Juste après la fierté gamer. Exact. C'est parfait. Oh. Bon, ben là, tu ça fait le tour pour aujourd'hui. Ben oui. Ouais. Fait là, pour terminer, on n'a pas de musique de Pat Bourgeois parce que lui-même, c'est l'été, puis il est en vacances, puis on est un petit peu déconnecté. Donc, il va sûrement se remettre au boulot un petit peu plus tard. Mais il travaille déjà sur un autre soundtrack d'un autre jeu qui ne peut pas me parler tant que ça, mais c'est ça qu'il m'a dit. Ouais. Alors, voilà, je vais surveiller ça. Bien. Puis sinon, c'est tout. Le podcast est fini. Ah. Ah. Fais-nous un Zardoz, là, pour aventure. Bon, quand Zardoz, il est là, man, il reste de l'espoir. Ouais, on est avec de l'espoir. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir été là. Ça se peut que ça prenne un petit peu de temps avant qu'on revienne avec de quoi de nouveau, dépendamment de comment se passent les vacances ici. Possiblement qu'on va faire un podcast avant un épisode de Web Télé, vu que ça implique moins les Ouais, c'est vrai, temps, ça. Là. Ça va être plus facile de faire c'est un plus autre facile, podcast. Effectivement, de faire des podcasts. Ah, puis aussi, pour ceux qui nous écoutent présentement, ceux qui nous écoutent en différé, il va peut-être être un petit peu trop tard, mais dimanche, on est quelle date dimanche? Dimanche, on va être le. Attends un peu. On est le 24, fait que 25, 26, 27. Dimanche matin à VTL, le 27, je vais passer à l'émission du matin à VTL. Génial. Pour parler de rétro gaming. Ouais, j'ai une petite entrevue de 4 minutes. Je sais pas exactement ça va être le timing précis ou whatever, mais tu sais que ça, c'est pré-enregistré. Alors, demain, vendredi, je vais enregistrer ça, puis je vais demander les infos. Là, pour Papa Jet Set. Génial. Yeah. Maison, hein? Hey, depuis que je fais, je fais des soirées, ça va bientôt faire un an, au mois d'octobre. J'ai quand même eu pas mal de visibilité dans les médias. Je suis bien content de ça. Oui. Fait que je sais pas si ça va toujours être de même. Là. Le rétro sera pas toujours aussi à la mode, j'ai l'impression. Si jamais il devient moins à la mode, les collectionneurs vont être contents, les prix vont descendre. Ben exact. Mais c'est cool, tu fais une belle tribune pour le rétro. T'as, t'as pas l'air d'un gars tout croche là, qui se lave pas. Là. Ah non, exact. C'est ça. Ben vous le voyez pas dans le jour, là, mais j'ai l'air de. C'est quand je suis tout seul ici, j'ai l'air de ça. Là. Mais non, en j'essaie de me mettre propre quand je vais. Va ton café avec pas d'air climatisé à 35 degrés dehors. J'ai même pas de lait pour mettre dans mon café. J'ai même pas acheté. C'est fuck that, là, trop compliqué. Je bois du café noir, je me mets en bedaine, j'enlève mes souliers puis j'ai chaud. Quand je vais aux toilettes, je barre de la porte, il y a que pour être sûr personne ne rentre. Je lave ma tasse, je jette mon filtre à café. C'est magnifique de me voir travailler. Tu là. Laves tes belles tasses Saint-Hubert. Ah oui, je me suis pogné de la vaisselle Saint-Hubert dans un marché, dans une vente de garage. Clair, hein? Fait que si vous venez aux soirées Papa Cassette, d'ailleurs, je les annonce publiquement maintenant, vous pourrez manger là-dedans si ça vous tente. Ou vous faire un petit café. Je vous ferai un petit café, pas de lait. Un petit café noir dans une tasse Saint-Hubert. Un petit shoot là. Pour jouer plus tard. Exactement. All right. Yes. Cool. Bon, ben merci tout le monde d'avoir été là. Oui. Puis, on se revoit très bientôt. Yes. À la prochaine. Ciao. Retro Nouveau.